Voici maintenant une compilation des meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou, diffusées tous les jours du lundi au jeudi, soit Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le Dîner de cons de 11h à 13h. Bonne écoute! C'est forte comme un bœuf, est forte comme un lutteur sumo. C'est sa plus simple expression. Hey, sa plus simple expression. Ça, c'est la chronique dans laquelle j'essaie de vous expliquer d'où viennent toutes ces expressions préfaites qu'on utilise dans la vie de tous les jours, sans s'en rendre compte. Ouais. C'est pas la signification première des mots, mais on les utilise quand même. On les comprend, mais d'où ça vient? On y va en vrac aujourd'hui, hein? Okay. Aucune thématique. Non. Thématique, expression. Tu remplis un petit sac, tu mets ça dans la balance, c'est 3 ou 4 fois plus cher que tu pensais que ça allait être, mettons. Ouais, chez. Le petit magasin en vrac, là. Donc, on commence tout de suite. On commence tout de go. OK. C'est tout de go. Ah, ben, c'est l'expression. Tout de go, ben, géo, évidemment. C'est tout de géo, en fait, l'expression. C'est tout de géo. Donc, c'est les gens qui vont aller sur les plages avec les touristes. C'est ça, un géo qui va leur montrer quoi faire. Ouais, dans les Climèdes. C'est ça. Donc, tout de géo, c'est ça. C'est quand tout est composé de géo quand tu vas quelque part. C'est qu'il n'y a pas aucun touriste, c'est juste des géos. Ah, ça doit être agréable. C'est vraiment, ouais, c'est agressant. Comme cocktail, je vais te prendre un géo au rhum. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux comme musique? OK, Géo. Comme OK, Go. Pourquoi pas? Ouais. Donc, tout de go, ça veut dire d'emblée, directement, d'un seul coup. Donc, l'expression est apparue au milieu du 17e siècle. Ben oui. Donc, elle est une déformation de l'expression tout de gobe. Donc, gobe étant un substantif tiré du verbe gober. OK, pas goberge, puis pas god comme Dieu, gobe. Gobe. OK. G-O-B. Donc, avaler tout de gobe voulait dire avaler d'un trait. Donc, mais le mot gobe ou go n'étant plus utilisé, seul subsiste l'expression complète tout de go. Ah ben, toi! Voilà. Ensuite, faux jeton. Ou faux jeton, comme on dirait. Faux jeton, ouais! On dit faux jeton, mais c'est faux jeton. Ben, ça, c'est évidemment les géos. Encore une fois, ça tout autour de ça, c'est même ça donne comme ça parce que les amis, d'habitude tu fais des thématiques, fait que là je pense que inconsciemment tu t'es mis des thématiques. C'est les géos qui vont t'expliquer les touristes ce qui se passe. Ils ont tous des faux jetons. Donc c'est le nom de leur faux, tu sais, ça le dit jeton. Donc jeton, donc faux jeton. Les géos ont des faux jetons. Faux jetons. D'accord, en fait des faux jetons, ce sont des hypocrites ou des menteurs. Ça dit. Ils mentent sur leur sein. C'est pas parce que t'as que t'as eu une chirurgie mammaire que nécessairement tu mens. On sait pas. Des fois, c'est pas si tu le dis pas ouvertement. J'ai dit pas nécessairement. Ok, c'est ça. Nuance. Donc oui, hypocrite, menteur. Aujourd'hui, pour faire des calculs, les opérations posées sur une feuille de papier, ça nous semble une totale évidence. Hein? Mais avant que les chiffres arabes et le système décimal ne viennent d'usage courant, les montants monétaires étaient calculés selon la méthode du jet. Sur des planchettes où étaient tracées des colonnes, donc qui correspondaient au dernier sol, livre, blablabla. Donc, dans lesquels on posait et accumulait des jetons pour faire les totos. Donc, ces jetons ayant parfois l'apparence de vraies pièces, certains tentaient de s'en servir comme tel auprès des personnes simplets, si on veut, d'où l'expression « faux comme un jeton ». Donc, c'est comme l'ancêtre de la fausse monnaie. Ensuite, secret de Polichinelle. Polichinelle, c'est la sœur moins bien connue de Cotonelle. Hein? Donc, le papier de toilette, bien sûr. Donc, c'est celle qui s'occupe... c'est un secret de Polichinelle, la sœur de Cotonelle. Il y a une suite à ça. Tu peux pas nous dire parce que c'est un secret. C'est un secret, mais c'est ça. Je vais quand même pas révéler les secrets de Polichinelle. Ben en fait, tu pourrais, parce qu'un secret de Polichinelle, c'est un faux secret. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Ah. Un secret que tout le monde connaît, en fait. Donc, le personnage... Ben, c'est comme Cotonelle, on sait qu'elle torche, ça. C'est vraiment... Ouais. Oh oui, c'est pas un secret pour personne. Pas un secret du tout. Donc, le personnage de Polichinelle, qui est une marionnette venue de du Pulcinella de la Commedia dell'arte. Putumayo. Parle beaucoup à tort et à travers, au point de ne jamais savoir tenir sa langue ou garder un secret. Donc, elle parle tout le temps. Ah. Comme un grand-mère. Ah. Mais es-tu aussi poli? Parce qu'il y a poli dans son nom. Ouais, puis Achi. Nel. Puis Annel. C'est ça. Annel. Elle porte des trucs avec des ailes. Annel. Ah oh, ouais. Ouais, ouais. Ensuite, mettre sur la sellette. Sellette. Ouais, c'est une bonne question. Ça, sellette, je sais pas trop. Ça, moi, ça m'apporte absolument rien. J'ai absolument rien à dire. Bon. Je vais y penser. Ok. Donc, mettre sur la sellette, c'est soumettre quelqu'un à un interrogatoire serré ou l'exposer au jugement et aux critiques les plus sévères, lui faire avouer des choses qu'il voulait tenir secrètes. Donc, avant la Révolution, on faisait s'asseoir le présumé coupable sur un petit tabouret très bas qu'on appelait la sellette. Donc, celle-ci pouvait être recouverte d'un tapis quand l'accusé était une personne de haut rang, quand même. Hein, on va se forcer. Mais la petite taille du banc obligeait à une posture jugée d'autant plus humiliante qu'on y paraissait les fers aux pieds. Donc, ça donnait c'était tellement bas que t'avais comme les genoux dans le front, puis c'était très gênant. Mais c'est ça, c'était le nom du petit tabouret sur lequel tu étais assis. Eh ben, mais moi, je te contredirais. Je pense qu'il y a eu une version mise à jour de ça depuis. Il faudrait que tu actualises ta page. Ouais, d'accord. C'est assis sur la Sélec. Tom. Tom Sélec, et il chatouille les pieds avec sa moustache. C'est une méthode... Juste les pieds? Juste les pieds. Ben, il commençait par les pieds, puis si t'avouais pas, ben, il allait plus haut de plus en plus. Et c'était s'asseoir sur la Sélec. Ouais. Cool! Cool! Ensuite, se porter comme un charme. Ça, c'est évidemment en hommage à notre ancien chroniqueur Nicolas Ducharme. OK. Il se porte comme un charme. Il travaille dans d'autres médias maintenant, donc il est heureux. Il se porte comme un charme. Il faisait une chronique de sport dans le temps, pour ceux qui suivaient. Ouais, mais ça me dit pas, ça veut dire quoi, ça, se porter comme un charme? C'est qu'il est journaliste maintenant. Il se porte comme un charme. Il est heureux. Il se porte comme un charme. Être journaliste. C'est être heureux. Tous les journalistes qui sont heureux sont des... sont se portent comme un charme. C'est pas très clair, ton affaire. Ouais, ouais. Non, c'est vraiment pas clair. Comme toutes les autres. Donc, se porter comme un charme, c'est très bien se porter. C'est être en parfaite santé. Donc, le charme est ici à prendre dans son sens magique, hein, comme un enchantement ou un sortilège. Donc, cette expression est employée depuis le début du 19e siècle, alors que « comme un charme » date du 18e siècle, où « parler comme un charme », c'était parler comme un enchanteur. OK? Et « aimer comme un charme », c'était aimer passionnément. Donc, c'était utilisé à plusieurs sauces à l'époque. Donc, dire de quelqu'un qu'il se porte comme un charme, c'est constater qu'il va très bien, mais avec parfois une pointe d'étonnement, voire de jalousie. Donc, pour Pierre Larousse, qu'on connaît tous pour ses dictionnaires. Oui, oui. Ensuite, par d'autres linguistes, cette expression sera portée à l'arbre. Donc, comme on dit, se porter comme un chêne, par allusion à un arbre fort et résistant. Mais le charme n'a pas du tout les caractéristiques de puissance du chêne. Cette explication ne semble pas tenir la route. On dirait que ça a été comme un peu inventé suite à l'autre explication. Hey, parlant de tenir la route, ça... Répète-moi ton expression, c'était quoi? Se porter comme un charme. Se porter comme un charme. Moi, là, je pense qu'il manquait la suite de la phrase. C'est se porter comme un charme parle. Comme un charme parle. Comme dans Maman Bagnole. Tu sais. Ça peut arriver à n'importe qui de revivre après sa mort. Vas-y. De se changer en petite souris ou en rose alligator. Mais quand je c'est le char qui parle. Sa mère a s'est réincarnée en char. Émission de TV. Moi, genre des années 40, je m'excuse, j'étais pas née, moi. Oh, sans couleur. Sans couleur. Elle roule. En tout cas, ça me rappelait ça. Merci. Mais t'es née à quelle année? Je sais plus, là. Attends, la fin est bonne, la fin est bonne. Elle est partout, elle a tour de roue. Elle m'emmène n'importe où. Ma mère à moto. Maman bagnole. Le gars conduit sa mère parce que sa mère c'est un char. C'est drôle. C'est ça. Wow, ouais. C'était spécial. C'était pertinent. J'ai eu une émotion. Ouais, c'est ça. Ensuite, hein? Sur le champ. Sur le champ. La la la. Bien sûr. La, la, la. Non, chant, c'est C-H-A-M-P. Sûr que non. Quand tu chantes, c'est sur le chant, comme nous autres, nos intros de chroniques, on a tendance à les chanter, même si on sait pertinemment qu'on n'a pas le talent pour le faire. Donc, t'es sur le chant. Mais tu m'as un peu obligé. Ah! C'est toi qui veux tout le temps chanter. T'aurais pu rien dire. T'as décidé de faire la choré sur C'est un fait toi-même, je pense. Non. Non? Non. Quand je t'ai dit ça. Non. C'est pas que non, t'as non, ouais, ça. Ouais, ouais. Quand il faut que tu lâches ça, cette mission-là. Donc, sur le champ, ça veut dire immédiatement. Donc, c'est une expression très ancienne dont le sens actuel date de la fin du 15e siècle. Auparavant, sur le champ signifiait ici même, à l'endroit où on se trouve. Vous êtes ici, là. Alors qu'elle était employée principalement sur les champs de bataille. Donc, son passage d'une expression désignant un... Voyons, c'est une expression qui a passé d'une expression désignant un lieu à une expression temporelle. Donc, c'est quand même assez différent. Ouais. Mais il n'y a pas d'explication. Ça a changé comme ça, tout de go. Puis, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, c'est rare qu'on n'ait pas les définitions. C'est rare exact d'où ça, pourquoi ça a changé. Non, c'est rare, ça arrive rarement. Mais c'est quand même intéressant de savoir que ça ne veut pas dire la même chose qu'avant le 15e siècle. Voilà. Donc, si jamais vous pognez une machine à remonter dans le temps, si vous êtes avant le 15e siècle, sur le champ, ça ne veut pas dire la même chose. Non, faites attention, là, ça pourrait causer des confusions. Donc, là. Prenez ça en note. Ah ouais. Ensuite, à tout bout de champ. Ben ça, c'est encore quand je te demande de chanter tout le temps. Là, donc, c'est à tout bout de champ. La la la. La la la. La la la. La la la. Ben c'est un peu ça, tout bout de champ, c'est à chaque instant. Donc, tu me demandes sans cesse de chanter. Bien. Donc, au 14e siècle, elle se disait à chacun bout de champ. À mais chacun, C-H-A-S-C-U-N. Il y a un S qui s'est glissé là. Chasque. Ah. Donc, à chacun bout de champ. Et au 16e siècle, c'était à tout bout de champ. Ouais, c'est ça, à tout bout de champ. Mais à tout, pas à tout T-O-U-T, mais tout T-O-U-S et bout au pluriel. Ah. Donc, c'est comme à tous les bouts de champ. Et finalement, au 17e siècle, à chaque bout de champ. OK? Donc, ça a beaucoup, beaucoup évolué. C'est simplement une métaphore dont le sens a glissé du spatial, donc le terrain labouré sur toute sa surface, avec des allers-retours incessants, au temporel, l'action répétée sans cesse ou l'événement survenant à tout moment. Donc, le champ, j'ai bien l'impression qu'il a changé de sens complètement. Donc, dans les deux expressions, le champ, ça a commencé avec l'endroit et c'est devenu une expression de temps. À tout bout de changement, comme on dit. Exactement. Ben oui. Ensuite, avoir la science infuse. Infuse. Fuse, comme dans elle fuse bien, bien bonne, comme le passé composé subjonctif de l'adjectif participe passé. Hein? Elle fuse. Donc, c'est quoi l'expression? Avoir la science infuse. C'est ça, c'est avoir la science. Non, je l'avais, là. Fuse un temps où je l'avais. Okay. D'accord, donc avoir la science infuse, c'est savoir sans avoir appris. Cet automne à cannabis. Ou prétendre tout savoir. Donc, cette expression est souvent ironique parce qu'on l'adresse en général à quelqu'un qui sait tout ou prétend tout savoir pour essayer de lui faire comprendre que c'est impossible, ce qui est souvent peine perdue. C'est une vieille histoire qui remonte à l'aube de l'humanité puisqu'elle vient d'Adam, donc le concubin de Ève. D'être dans le temps, tu veux dire? Moi, je ne sais pas si ça dit vaguement quelque chose. Donc, en effet, en théologie, la science infuse n'est ni plus ni moins que la connaissance qu'Adam reçut de Dieu. Ouais. Donc, moi, j'ai pas la science infuse. Là, arrête de me poser des questions de même. Ben, ça fait référence à Adam, le chum de Ève. Ben oui. Et finalement, dernière expression déjà, elles sont très courtes les explications cette semaine. Être dans la lune. La lune. À date, ça va bien. Ça va très bien. Être ouais, dedans. Dans, comme ça, c'est Adam. La phrase, c'est être Adam la lune. C'est son nom de famille. C'est peu connu. Le chum de Ève. Ouais, c'est ça. En fait, être dans la lune, c'est être distrait, être perdu dans ses pensées. Depuis longtemps, la lune est associée au rêve, à la distraction. Chez Mirabeau, je sais pas si ça dit quelque chose, c'est le chum à Mirabelle, là, à l'aéroport. Donc, au 18e siècle, elle est le symbole de l'imaginaire dans l'Empire de la Lune. Et là, c'est pas un nouveau Star Wars, ça. L'Empire de la Lune. Ouais, c'est ça. C'est bon, c'est J.J. Abrams qui fait ça. Après l'Empire contre-attaque. C'est ça. J'allais dire contre-attaque creux. dans le cas du distrait, on voit tout de suite l'opposition avec celui qui a les pieds sur terre, hein, ou la tête dans les nuages. Donc, tout ce qui est en haut, c'est distraction, et tout ce qui est sur terre, c'est un peu plus présent, si on veut, dans la réalité. Enfin, il ne faut pas oublier que le qualificatif de la Lune, qui autrefois servait à désigner un distrait ou un rêveur. Donc, tout simplement, si je te disais Mathieu de la Lune, t'étais distrait. Ou c'est celui qui fait les jus, là, les extracteurs à jus. Là. Jack la Lune. C'est-tu lui, ça? Jack la Lune. C'est lui? Ouais. Lui qui fait des extracteurs à jus à TV. Ah. Ouais. Puis, c'est quoi qu'il fait, lui, Wolfgang Puck, dedans? Wolfgang Puck, je sais pas. on dirait qu'il écrit de la musique puis qu'il joue au hockey, mais c'est pas ça. Ah, moi, je tripe sur son nom. Ouais. C'est que... Mais c'est tout. Et voilà. Eh bien, on fait sa plus simple expression les lundis, à 9h. Maintenant, ouais. Maintenant, dorénavant, pour jusqu'à nouvel ordre, comme on l'appelle. L'ordre de qui? L'ordre des deux animateurs de l'émission. Sa plus simple nous expression. Autres? C'est nous autres. Merci, Steph. Ça fait plaisir. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Et on commence en force. Et ces jeunes hommes n'étaient pas si en force que ça, cachés derrière leurs petits engins rabougris. Vous allez comprendre, je vous parle de pénis. Ben oui, ça commence fort le lundi matin. Hein? Le pénis, la dernière tendance mode à Paris. Eh bien oui, à Paris, le col ne sert plus seulement à entourer le cou, comme on dit, il sert également à exposer le pénis. Donc, à Paris, capitale française qui a repris le flambeau de Londres et de Milan cette semaine pour 5 jours de défilé de mode masculine, eh bien le créateur sur toutes les lèvres est Rick Owen, qui a présenté une collection automne-hiver 2015-2016 inusitée ce jeudi. Donc, les mannequins de la marque ont défilé sur le podium avec des vêtements troués au niveau du sexe. Donc, c'est des genres de grandes robes qui nous font penser un peu à des soutanes, pour vrai, de prêtres, avec un trou à la place de la patente. Et puis là, c'est supposé justement d'exposer le sexe des gens. Mais ce qui me fait rire, c'est que, justement, les messieurs qui sont sûrement bien équipés, eh bien, sur le catwalk, hein, sur le stage, finalement, eh bien, sont un peu moins fiers. Et puis c'est compréhensible, hein, quand t'as 300 ou 400 ou je sais pas combien de personnes qui te regardent et puis que l'endroit où qu'on se fait regarder, c'est là. Et puis c'est supposé être une collection automne-hiver. Me semble que je mettrais pas ça aujourd'hui parce que tu te retrouverais... tu sais plus si t'es un petit garçon, hein? Donc, la twittosphère a réagi à la tendance audacieuse proposée par le créateur californien et les mots clic, hashtag free the penis ou hashtag Dick Owen ont fait leur apparition sur le réseau social. Et là, je mets quelques petits commentaires de gens qui ont dit « Donc, si j'ai bien compris, l'hiver prochain, on doit se promener comme ça, décontracté du gland. La provocation est devenue une norme, la norme est devenue sans intérêt. » Ça, c'est des gens qui envoient leurs commentaires sur Twitter. « Et vous pensez que les nouvelles tenues de Rick Owen sont compatibles avec la vie de bureau? Je sais pas. » Par contre, le New York Magazine a décrit le défilé comme une messe. Certaines créations avaient une large ouverture révélant les attributs des mannequins, accentuant l'aspect religieux de l'événement. OK, donc c'est vraiment ça, hein? C'est des soutanes. Et soutanes et pénis à l'air font penser à une messe. Alors comment se surprendre que des prêtres fassent des choses qu'ils ne sont pas supposés de faire avec des gens qui ne sont pas supposés d'avoir dans leur milieu. En tout cas, donc ce n'était pas fait avec mauvais goût, mais de manière plus mystérieuse, comme si les dieux de la fertilité avaient pris possession des lieux. Ça, c'est le New York Magazine qui écrit ça. Moi, je suis un petit peu moins poétique sur le fait. Les mannequins qui ont montré un peu plus que prévu ne semblaient pas en faire un plat. L'un d'eux a confié au The Guardian qu'il ne s'est aperçu de la situation qu'en voyant les photos après événement. Ben oui, il ne savait pas avant. Et il ne savait pas avant qu'il se promènerait... Le monsieur a l'air un peu particulier. Ici, un homme tué... on va aller faire de quoi un petit peu plus joyeux. 50 Shades of Grey, ben oui, c'était la sortie du livre, la sortie des films, la sortie du vin la semaine dernière. Eh bien là, cette série inspire une gardienne de prison à devenir une dominatrice. C'est le quotidien de Miss Preston qui travaillait comme une gardienne de prison. dans le Yorkshire de l'Est, qui a énormément changé depuis qu'elle a lu le livre Fifty Shades of Grey, maintenant connu sous le nom de Distress Dita. Elle a troqué son uniforme pour enfiler ses vêtements de dominatrice. Donc, la femme de 44 ans a toujours su diriger les hommes, appuyée par sa famille. La transition entre ces deux carrières s'est faite de manière très naturelle. C'est presque la même chose. Je me trouve très chanceuse de pouvoir exercer le métier que j'aime. Tous les membres de ma famille ont été très ouverts à mon nouveau projet. Ma mère trouve que c'est une idée brillante, raconte la dominatrice au Mirror. Mistress Dita, qui n'a pas de rapport sexuel avec ses clients, a même transformé une des pièces de son logement en donjon pour recevoir les visiteurs. Elle possède une voiture avec le logo de sa compagnie. Parfait pour toi, bravo! La carrière de Mistress Dita lui apporte aussi des opportunités étonnantes. Il y a quelques mois, c'est la peur... attends un peu. Il y a quelques mois, c'est l'acteur Rupert Everett qui l'a rencontré pour lui poser quelques questions sur le métier de dominatrice pour son documentaire. OK. OK, on va se faire un petit mot juste parce qu'elle est vraiment charmante, elle est jolie, elle est mystérieuse, elle est pas tellement mystérieuse, mais parfaite finalement. C'est le Miss, les concours de Miss Univers, eh bien c'est Miss Colombie qui remporte le titre. Le concours de beauté Miss Univers se déroulait donc hier à Doral, près de Miami, et 88 jeunes femmes sont venues défiler avant de remporter afin de remporter la couronne et de succéder à la Vénézuélienne Maria Gabriela Ischler. Donc parmi les 5 finalistes, c'est Miss Jamaïque qui a été éliminée en premier, suivie en deuxième par Miss Pays-Bas et en troisième Miss Ukraine. Il devait être vraiment trop laide. C'est finalement Miss Colombie qui a été élue Miss Univers cette année en éliminant automatiquement Miss USA. Paulina Vega est une femme de 22 ans, née à Barranquilla, en Colombie, et elle est tout simplement wow, merveilleuse. Sourire d'ange. Et restons dans le domaine de la jeune femme et de la fesse légère. C'est 7 Brésiliennes qui défendent la liberté du corps de la femme en s'exhibant seins nus sur la plage. Donc, ces 7 Brésiliennes ont manifesté mardi contre l'interdiction de fréquenter les plages seins nus du Brésil. Elles dénoncent ainsi une loi qu'elles estiment abusive. Au Brésil, exhiber ses seins est considéré comme un acte obscène, passible d'une peine allant de 3 à 12 mois de prison. Vous irez voir la vidéo. C'est bien sympathique. Et restons dans le domaine du divertissement et de la plage et du beau temps et de la mer. Eh bien, je vous parle de cette dame qui dépense plus de 164 000 de dollars par année pour vivre sur un bateau de croisière. Tu sais, quand tu peux te le payer, pourquoi pas? Cette femme qui est âgée de 86 ans dépense 164 000 dollars par année pour sillonner les océans à bord d'un bateau de croisière. Elle s'appelle Lee Watchsetter, qui vit depuis 7 ans sur un bateau de la compagnie Crystal Cruise, rapporte à Ashbury Park Press, que c'est le journal. Donc, la femme connue par la majorité des 655 membres de l'équipage dépense une fortune pour vivre sur l'eau. Évidemment, elle bénéficie de tous les avantages offerts par le bateau de croisière et de tout le luxe qu'il comprend. C'est son mari qui l'a initiée aux joies des croisières durant leurs 50 années de mariage. Le couple a profité de 89 excursions. Juste avant de mourir, il lui a demandé de ne jamais arrêter de voyager. Depuis qu'il s'est éteint, Mamali a participé à une centaine de périples en mer. Encouragé par ses enfants, Lee Watchsetter a vendu sa résidence de Fort Lauderdale pour pouvoir se permettre de poursuivre son passe-temps favori. Maintenant un peu trop âgée pour descendre au port des pays qu'elle visite, Mamali reste sur le pont la plupart du temps. L'octogénaire admet qu'elle se sent privilégiée de pouvoir mener ce genre de vie et avoue qu'elle aurait de la difficulté à retrouver un mode de vie plus régulier. Et c'est difficile, hein, la vie des gens riches et célèbres. Ça ici, c'est assez difficile, ce qui est arrivé assez particulier. Une joueuse de tennis russe meurt en plein entraînement. Une joueuse de tennis de 23 ans, dont la beauté est comparée à celle d'Anna Kournikova, est décédée d'un arrêt du cœur durant une pratique mercredi dernier. Donc, Violeta Dektyevreva, oui, connue pour sa beauté et pour son compte en banque bien garni, elle était classée 1086e, ça c'est loin, hein, là, au rang mondial de la WTA avant son décès le 12 janvier dernier. Les comparaisons entre elle et Anna Kournikova s'arrêtent toutefois à la jolie S, à la jolie S, oui, de leur trait, à l'opposé de Dektivreva, oui. Kournikova s'est hissée jusqu'au 8e rang mondial en simple lorsqu'elle jouait son meilleur tennis. L'athlète russe a également remporté plusieurs titres en double, trônant même au sommet du classement mondial à une certaine époque. Quant à elle, Dektivreva, née à Rostov en Russie, n'a jamais réussi à s'imposer sur le circuit. Elle s'est classée au 940e rang en simple lors de sa meilleure saison. On voit que c'est loin d'être la future Anna Kournikova. Le New York, c'est loin d'être notre petit Eugénie Bouchard, hein? Notre petite fierté québécoise et canadienne. Donc, le New York Post croit cependant qu'il n'y a pas seulement la beauté qui unit les deux athlètes. Elle a souvent été comparée à Anna Kournikova pour une autre beauté russe qui n'a pas gagné grand-chose. C'est la joueuse de tennis Anastasia Vdovendo qui a annoncé le décès de son amie sur Facebook, rapporte le Central European News. Sa mort n'a pas été annoncée publiquement malgré sa popularité. « Je peux à peine le croire, repose en paix », a écrit l'athlète de 20 ans. Les détails concernant son arrêt cardiaque n'ont pas été divulgués et les médias russes n'ont pas spécifié l'endroit où elle s'entraînait. Ici, vraiment plus que particulier cette nouvelle, vous allez voir, une religieuse accouche sans savoir qu'elle était enceinte. Tu sais, des fois, c'est ça, hein, c'est déjà d'être enceinte sans le savoir, c'est déjà un gros plus, hein, dans l'histoire peu banale. Mais là, quand c'est une religieuse en plus qui ne sait pas, puis elle ne sait pas qu'elle a fait des galipettes un moment donné ou elle pense que c'est par le Saint-Esprit, je ne sais pas. Donc, une religieuse a surpris toutes ses collègues en accouchant d'un petit garçon sans savoir même qu'elle était enceinte. La femme originaire de l'Afrique du Sud souffrait de sévères douleurs à l'estomac, rapporte le journal The Mirror. La nonne, agonisante, s'est rendue à l'hôpital avant d'accoucher d'un bambin en parfaite santé. Celui-ci est toujours sous la surveillance des médecins. Le couvent de la nouvelle maman a exprimé son intérêt à prendre soin du bébé selon le tabloïd anglais. Ce n'est pas la première fois qu'une religieuse accouche de façon inattendue. L'année dernière, une sœur salvadorienne de 31 ans a nommé son bébé surprise en l'honneur du pape François. Est-ce que c'est lui le père? Non, mais quand même, c'est un petit peu particulier, hein? Et surtout de ne pas le savoir. Est-ce qu'elle savait que ça pouvait arriver? On voudrait lui parler. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Maintenant, on va aller plutôt dans les particularités, les amis, de votre passeport canadien. J'ai fait faire le mien l'année passée et puis on va aller voir qu'est-ce qu'il y en est avec ça. Donc, avez-vous déjà examiné votre passeport canadien sous une lumière UV? Donc, à moins d'être un agent d'immigration ou douanier, vous n'avez probablement jamais inspecté votre passeport sous une lumière UV. Pourtant, le nouveau passeport électronique canadien, émis depuis le 1er juillet 2013, cache de nombreux secrets. Lorsqu'exposé à une lampe à rayonnement ultraviolet, le nouveau passeport canadien révèle de magnifiques frestes colorées rappelant les événements marquants de l'histoire du Canada et certains personnages et lieux emblématiques de son patrimoine, dont les chutes du Niagara, Terry Fox ou Samuel de Champlain. Stupéfait par cette découverte, un utilisateur du site d'hébergement d'images Imgur a partagé plusieurs photos avant et après du passeport de son ami. Donc, comme on dit tantôt, on a Samuel de Champlain, OK, qui est bien dessiné quand même, qui est bien, mais quand on le met sous la lumière UV, eh bien là, c'est une œuvre d'art complètement et magnifique qui se déploie sous nos yeux et plein d'informations de plus ressortent vraiment du lot. C'est magique, pour vrai, c'est vraiment très, très, très beau, même féerique, je dirais. Allez voir ça, le train, on voit les pères de la Confédération, les prairies canadiennes, le Parlement. Et le Parlement qui est assez drabe dans le passeport normal, mais quand on le met sous lumière UV, eh bien là, c'est la fête, on voit les feux d'artifice, etc. Les chutes du Niagara, la même chose. Donc, essayez ça, regardez votre passeport canadien de façon différente. Prenez-vous une lampe UV, là, puis regardez ça, black light, ça va faire l'affaire. Ou peut-être, votre prochaine fois que vous allez en boîte, eh bien, amenez votre passeport et puis impressionnez les gens avec ça. Donc, je vais me faire une petite dernière ici avant de poursuivre avec une publicité. Eh bien, je vous parle d'une mère arrêtée pour une liaison avec l'ex, qui était mineur, l'ex de sa fille. Donc, une mère californienne a été arrêtée pour avoir une liaison avec l'ex-copain de son adolescente, Ferreshta Angel William, la MILF, hein? 38 ans, aurait entretenu une relation avec le garçon de 16 ans pendant plus de 3 mois, rapporte le New York Daily News. Les autorités ont suivi la femme pendant plusieurs semaines avant de l'appréhender. Elle a été arrêtée le 5 janvier dernier dans le stationnement de son gymnase. William est accusé de rapports sexuels et de copulation orale avec un mineur. La dame, ça, William, là, avec un mineur qui avait plus de 3 ans de moins qu'elle et d'avoir tenté de dissuader un témoin. La maman, a nié tous les chefs d'accusation et a été libérée de prison sous caution. Elle sera entendue en cour le 3 février prochain. Coquine MILF. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Bon, assez de musique, là, ça va faire la musique, là, à un moment donné, c'est parce qu'il revient en. Non, c'est le moment de parler d'improvisation. Oh! Avec Gabriel Béhout dans les coulisses de la lutte. Hey, dans les coulisses de la lutte avec Gabriel Béhout. Bonjour à toi. Bon matin, Mathieu. Tu vas bien? Ah, ça va super bien. Je sais en plus que c'est pas super vrai parce que c'est tellement d'affaires de travaux à remettre tout ça, puis la nuit est courte, hein? Ah, Mathieu, on avait environ 1500 pages à lire pour un travail de 6 pages. C'est tout à fait réaliste. Ouais, on me semble que génial. Le ratio est moyen. Ouais, c'est... Mais c'est pas grave, c'est le fun. Ouais. C'est le fun, on a du plaisir. Ben, c'est pour vous dire comment on vous comprend, vous, chers auditeurs. Ah oui. Pas? C'est un début de session assez raide, merci. Exact. Mais par chance, on a du divertissement sur le campus. Ah oui, ça c'est le fun. Le lundi soir, tu veux dire? Oui, gratuitement en plus. Hein, où ça? À Chasse? À Chasse, le gage, oui. C'est-tu l'impro de la lutte? Oui! Mon Dieu, t'es bien bon, une devinette. Donc, ben au courant, toi, qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est pas une devinette, là, j'ai tout mon texte d'écrit. Ton script. Tout. C'est ça. Mais avant de parler en long et en large de ce qui s'est passé par le passé et ensuite aller dans le futur... Oui. De la luître. On va retourner dans le passé récent, c'est-à-dire il y a quelques heures à peine, mm-hmm. alors que tu étais réveillé. Exact, il y a environ 12 heures. Ah, 12 heures. T'as bien raison, 12 heures. Hein? C'est vrai, ça. Ça fait réfléchir. Ouais. Mais toi et ton. Ça fait réfléchir. Réveillez-vous. Non, c'est ça, ça nous porte à penser à notre célèbre collaborateur sur le terrain. Là. Ah oui. C'est ton collègue Gabriel Boutantrain-Houd. Ah oui, certainement. Avec lundi soir le matin. Mm-hmm. Mm-hmm. Allez! Vous écoutez lundi soir le matin, la chronique sur l'impro universitaire. Alors, bon lundi soir et je vous convie tous à la Chasse-Guerrie en ce lundi pour le match opposant l'équipe de Alexandre Laramie-Zwicky et Antoine Lacasse, c'est-à-dire les oranges et les verts, dans le cadre d'un match de la saison régulière de la Luître, la Ligue universitaire. L'improvisation de Trois-Rivières. Alors, bon match et bonne soirée. Face à face. Monsieur Marchand, Alex Marchand, vous êtes VP logistique de la Luître. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ben, c'est sûr que c'est un peu comme être superviseur d'une garderie, gère les joueurs, je les déplace à ma guise. Je suis un peu le mastermind derrière le bon déroulement du spectacle. Est-ce que vous vous mastermindez à chaque fois les spectacles ou toujours? Je me mastermind régulièrement à la maison. Je suis pas sûr de comprendre. Et puis, ce soir, vous jouez contre l'équipe des Verts. Comment apprendez-vous ce match, monsieur Marchand? Ben, c'est sûr que les Verts ont été longtemps l'ennemi numéro un de la lutte, mais ce soir, ça va changer parce que je pense que les autres joueurs vont nous voir comme une menace maintenant quand on va atomiser les Verts, littéralement. On va les réduire en miettes. Je vous souhaite bonne chance et un bon match. Merci bien à vous aussi. Face à face. Alors, je suis avec une joueuse de l'équipe des Bleus pour faire changement parce que, les Verts ne voulaient pas me parler vu que j'ai mangé du shish taouk pour souper. Et Maud, elle a perdu le sens de l'odorat. Maud, qu'est-ce qui est arrivé à ton nez? Je me suis levé un matin, puis, il était plus là. Aïe, aïe, aïe, toute une histoire. Maud, les Bleus jouent la semaine prochaine. Avec le match que tu vois ce soir, qu'est-ce que tu retiens de ça pour ton match de pas ce soir, mais là, comme la semaine prochaine? Je retiens de pas faire des jokes de graines. OK, Maud, c'est spécial comme manière de rire, surtout que t'as pas de nez, fait que c'est vraiment fucked up. Maud, comment t'appréhendes ta deuxième moitié de saison, le dernier droit, comme on dit? Comme on dit, on va y aller tout droit, puis s'il y a un croche, on crochit. D'accord. Eh bien, Maud, je te souhaite une bonne deuxième moitié de match, car on est à la mi-temps. Et puis, je te souhaite de t'amuser. Merci, Ron. Merci. Je sais que l'étoile de l'arbitre, M. J.F. Latour. J.F., pourquoi tu penses qu'on t'a donné l'étoile de l'arbitre de la part de l'arbitre Elodie, mon grand? Honnêtement, j'irai pas avec ma performance. Je vais y aller juste avec le French que j'ai fait avec une coéquipière de l'équipe des Oranges. Je pense que l'arbitre est un peu sensible à ce genre de choses. Elle qui, elle-même, affectionne beaucoup les baisers langoureux dans sa vie personnelle. Je crois qu'il y a peut-être un petit manque ici qu'elle vient chercher à l'impro. Puis quand elle en voit, elle récompense. J'ai d'ailleurs tout filmé cette expérience de French et je t'avouerai que je mets ça dans mon folder intitulé « Porn ». Je te souhaite une bonne fin de soirée, Jean-François. Merci. Je te remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci. C'est pas ce qui m'arrive. On dirait que le monde est en train de changer. Je me suis peut-être fait des idées. Je suis pas devenu celui que je m'étais imaginé. Ah, c'était Gabriel Boutentrain-Houd en direct sur le terrain, en direct d'hier soir, bien sûr, lundi soir le matin, comme toutes les semaines. Moi, j'entends, je comprends de tout ça que son dossier s'appelle Porn et pas des subtilités comme genre situation financière ou fichier inintéressant ou machin chouette. J'ai ce genre de fichier-là sur mon ordinateur, mais... Oui, mais c'est vraiment des situations. C'est vraiment des affaires beaucoup plus bizarres que de la porn. Et tellement plus séduisant pour toi, parce que on sait que t'es attiré par des choses différentes des autres. Oui. Oui, genre. On n'y va pas de détails. C'était quelqu'un pour en discuter, mon psychologue. Donc, oui. C'est. Ouais. Bref, le match, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, en fait, avant de parler seulement d'hier soir, plus loin dans le passé, on avait aussi le match du carnaval. Oui, on a eu le match du carnaval. Tout ça à dire, là. Résumons, le match du carnaval, est-ce que t'étais là? Je jouais pour le carnaval. Qu'est-ce que c'est ça, ce soir-là? Franchement. C'était très toi? Vrai. Nadia Tranchemontagne. Certainement, de l'équipe des Oranges. Ensuite, il y avait aussi Vincent Rainville. Vincent Rainville, j'allais dire. Magali Brousseau-Arcan. Une joueuse de l'équipe des Verts. Tout à fait. Des gens qui devaient laisser leur place à des étudiants. Exactement. Pour le carnaval. Donc, mettons qu'ils gaguaient pas autant qu'ils auraient gagué habituellement. Non, exact. C'est ça. L'objectif était de faire jouer les gens du carnaval. Puis je pense que l'objectif a été quand même rempli dans mesure où ces joueurs-là, ils ont pu prendre leur place. Exactement. Cool. L'ambiance était à la folie parce que que le public aimait les gags de gars qui s'embrassent puis des affaires de même. Fait que t'en fasses plein, tu sais. Ouais, ben, je pense que le public de la Luître et le public du Carnaval, c'est peut-être deux publics pas exactement pareils. Ouais. Cependant, les deux sont quand même friands d'improvisation. Mais disons qu'au Carnaval, c'était peut-être des trucs un petit peu plus premier degré. Quoique c'était vraiment comique, là, oui, si oui. On se mettait dans l'état d'esprit premier degré. C'est ça. Mais quelques petits shooters de vodka avant le match. Exact, exact. C'est aussi drôle que les autres. Exact. L'arbitre spécial était Antoine Lacasse. Certainement. Pour ce match-là, qui était dans des affaires quand même assez complexes par moment. Là, Ah oui, il s'est gâté sur quelques pods. Improvisations. Oui, on a eu un impro à la pods. On a eu un impro statique. Oui. Où les joueurs n'avaient pas le droit de bouger, juste de parler. Mm-hmm. Ça a chanté un petit peu aussi, il me semble. Oui, il y a une chantée. Ouais, ça c'était un beau piège, ça. Oui, les chantées, surtout pour les gens qui sont pas habitués. C'est. Ben moi-même, j'en fais un petit peu d'impro, puis je trouve ça tellement difficile, les chantées. Là. C'est incroyablement vrai. Difficile. Voilà. Donc, il va y avoir encore un match comme celui-là l'année prochaine, parce qu'il y en a chaque année. Oui, exact. Mais assez retourné dans le passé. Hier, on vient d'en parler, le match qu'il y a eu entre les Oranges et les Verts. C'est des équipes qui, me semble, s'affrontent moins que d'autres équipes. Exact. On les a moins vus en saison régulière cette année. Probablement juste à cause du calendrier comme il était fait. Je crois qu'ils vont rejoindre ensemble cet hiver. Donc, ouais, je sais que les Oranges vont jouer plus souvent qu'à l'automne parce qu'ils étaient staff. C'est eux qui montaient la scène et tout ça quasiment chaque semaine à l'automne. Ouais, ils ne font plus, c'est fini. Ça fait qu'ils vont non, jouer. C'est ça. Ouais. Puis autant que les Rouges, on joue beaucoup moins à l'hiver, alors qu'on a joué beaucoup à l'automne. Presque à chaque mais semaine. C'est la formule du calendrier, tu comprends. La nature de la bête. Exact. Voyageant. Donc, c'est ça, hier, match régulier avec un public un peu moins dedans que d'habitude, je trouvais, personnellement. Oui, c'était un peu bruyant. Un petit peu, même que l'arbitre, il a dit mon grain sans. Elle a dû sévir. Elle se gâte sur les punitions envers le public. Elle fait bien, je pense, parce que il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent là pour l'impro. Il y a peut-être une infime partie de gens qui sont en chasse pour discuter, puis c'est pas non plus très grave, là, mais je veux dire, durant les improvisations, c'est peut-être pas le temps. Mais retour au match d'hier, le résultat, Mathieu, c'était 7-6 pour les Verts. Pour les Verts, exactement. Jusqu'à la dernière minute, on s'est posé la question parce que les pointages étaient serrés. Hein. Surtout qu'il y a eu des pénalités qui ont donné des points à l'autre équipe. C'est exact. Des pénalités aux. Je crois que c'était des pénalités aux. Orange qui ont donné un point au Vert. Donc, ils auraient peut-être pu se sauver avec la victoire, mais ils ont été trop punis. Exact. Et puis sinon, les étoiles des deux équipes, je sais que c'était Céline Dodier-Côte du côté des Oranges. Mm-hmm. Et il me semble que c'était bien Magali Brousseau-Arcan du côté des Verts. C'est en plein ça. Fallait que je traîne ma feuille. Non, ben c'est bon, on peut. On se complète. Tu peux y aller dans l'hypothèse, puis moi je vais dans la conclusion. La confirmation de la chose. Je suis pas. Des fois, je suis un petit peu dans la lune quand ça arrive. On s'attend à la fiabilité de ton collègue du bout en train ou. Ah, certainement. Ah, lui, il est veille au grain, tu comprends? Exact. Puis sinon, c'est ça. Donc, match régulier qui vont continuer pendant le mois de janvier. En fait, je pense que là, le mois de janvier est fini. Fait qu'on passe au mois de février. Il y en a deux autres dans le mois de février, des matchs réguliers. Oui. Pour retourner après ça des matchs spéciaux. Ah oui, j'ai hâte. Ça n'arrête pas. Je sais qu'on a fait un petit peu le tour en début de session du futur, de l'hiver. Mais entre autres, la Coupe Trois-Rivières qui s'en vient. Ah oui, ça va être génial. C'est la Luître qui affronte la LIM, qui est la Ligue d'improvisation mauricienne, qui se produit à la salle Louis-Philippe Poisson, si je ne m'abuse, les mardis soirs. Donc, et présentement, on est encore dans le processus décisionnel de qui va jouer dans cette coupe-là. Exact. Donc, quelques joueurs de la Luître vont se proposer. Et ici, on va faire une équipe de représentants de la Luître pour le lundi soir, parce que ça va jouer sur deux soirs ici, à la Luître, donc à la Chasse-Galerie. Et puis, un autre match à la salle Louis-Philippe Poisson, donc à la Lime. Donc, ça va être... une formule assez spéciale. En fond, deux équipes différentes vont représenter la Luître pour ces matchs-là. Donc, on est en train de former deux équipes pour que ce soit intéressant autant à la Luître qu'à la Lime, parce que c'est aussi deux styles de jeu un peu différents. Donc, ça devrait être très présent. Très présent. Oui, oui, très présent. Très lieu, tu sais. Ah oui, vraiment. Ça va être très, très, très, très présent. Comme ça n'aura jamais été présent avant. Ah non, ça va être... j'ai quasiment hâte d'être dans le futur pour être présent, tu comprends? Mais oui, tout à fait. Et ne pas confondre non plus la Coupe Trois-Rivières et la Coupe universelle d'improvisation, qui est une autre affaire qui s'en vient plus tard. Ben oui, ça, c'est la QI, comme on l'appelle. Mais non, c'est pas les affaires. Le slang. dans le slang, dans le ghetto, on appelle ça comme ça. Oui, oui. C'est la QI, c'est à l'ETS cette année. Et puis, c'est ça. Plusieurs joueurs de la lutte vont représenter la lutte dans un tournoi interuniversitaire. Ça devrait être assez fou mental comme fin de semaine. Mais pour avoir l'occasion de vous rappeler ces dates-là, de vous dire que vous avez le droit de vous présenter à ces histoires-là. Ben, on espère que les gens vont se présenter. Oui, on sait que les coupes, d'habitude, en tout cas, je sais pour les coupes qui sont pas situées à Trois-Rivières, c'est difficile. Puis des fois même les joueurs vont même pas le public qui va même pas assister à cette affaire-là. Puis c'est seulement des gens d'improvisation qui assistent au truc. Exact. Dans les coupes. Là au moins pour la coupe Trois-Rivières, vous avez l'occasion de juste être présent comme vous le seriez un lundi soir. Il y a rien qui change pour vous autres. Non, c'est ça. Puis dans le fond, c'est toujours une formule qui est gratuite ici à la Lime. Je sais pas si à la Lime, par contre, d'habitude, à la Lime, il y a un cover. Je sais pas si là, ça va être présent. Cependant, c'est cool aussi d'avoir une coupe vraiment un peu plus régionale. Mais là, c'est deux équipes qui s'affrontent. Deux équipes, deux ligues, en fait, qui s'affrontent. Donc, ça devrait être quand même super intéressant. Ouais. Puis, c'est une formule qui est un peu différente des autres tournois. Là. Donc, ça devrait être assez cool, merci. Ça, c'est dans trois semaines. On va avoir le temps de vous en reparler. Ce qu'on disait le plus proche possible de nous dans le futur rapproché, c'est... Je m'en vais me prendre un café. Un café? Oui. Finir ton travail, je pense. Oui. Le remettre? Oui. Aller à mon cours, aller à mon autre cours, aller à mon autre cours, me coucher. J'ai dit coucher, là. Oh, oui, en position horizontale. Ah oui. Okay. T'as cette affaire. Puis... Après ça, ça va aller jusqu'à lundi soir prochain, le match des Rouges contre les Bleus. Ah oui. Je me réveille lundi vers 5h le soir. Puis, c'est sûr, on va se réveiller tranquillement. Puis, je vais faire un petit bol de céréales. Puis après, ça va être les Rouges contre les Bleus à Chasse-Galerie. C'est ça. À 20h. Tu prends pas ta douche avant, tu prends ta douche après, toi. Ben là. Les sportifs, ça prend une douche avant, puis après? À l'entrée? Ça dépend. Ça dépend desquels. On verra. C'est ça. Donc, 2 février, lundi soir 20h, Rouge versus Bleu. Oui, ça va être un match. Tu vas jouer? Oui, j'ai hâte. Ça va être un match sur collègue? On va essayer. C'est ça. Hier, qu'est-ce que j'ai fait comme gag? Il faut que je regarde avec vous autres si j'ai refait. Oui. Hier, il y avait. Tu mettons que t'es pas très très heureux des bénéfices que t'as dans ta situation de couple. Mettons, t'as des avantages sociaux. Des avantages sociaux, des avantages sociaux. Mettons. Non, j'ai déjà entendu ça quelque part. Ah, mauditement. Il y avait un jeu dans lequel les gens devaient piger dans un pichet. D'accord? Oui, c'était cool ça. Ils devaient piger dans un pichet pour avoir des phrases pour compléter une impro. J'appelais ça des pichistes. Ah, ben oui, c'est parfait. C'est bon ça. C'est pas pire, oui, hein? Très bon, mon gars. Merci. Puis j'ai réutilisé le gag que j'avais fait précédemment ici à Assemblage Recu sur Klaus Trofa parce qu'il y avait un personnage qui s'appelait Klaus. Ah oui, c'était excellent. Parfait. J'ai réutilisé ça, j'avais c'était très drôle ça d'ailleurs comme impro. Klaus qui traversait le camp là, pour aller. Dans les camps de... Des filles. Des camps des filles, des camps de... Des camps. Comme un camp... Comment on appelle ça? Kanjo. Kanjo! Hein? Kanjo. Qu'est-ce que c'est? Un Kanjo. Moi, j'ai jamais été là quand j'étais petit. Ah, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Non, nous, c'était des camps de vacances, on dormait là. C'était pas des camps de Moi, j'ai été deux fois au camp de vacances. Oh, ouais. Moi, c'était à Amqui. Ça devait pas être là, toi. Je sais plus. Pas vraiment dans la région. Non. J'essaie d'effacer ça de ma mémoire. Non, moi aussi, c'était des expériences traumatisantes. Pas le camp Sable Chaud. J'étais gêné, j'étais tout seul. Sable Chaud, c'est drôle, pareil. Hein? Mm. Ouais. Endroit sable chaud, humide. Sable Chaud. Ouais. Ben, il faisait beau pour ça. Ah, le camp où il fait éternellement beau. Ouais. Le camp où il ferait... faisait de l'ensemencement de nuages. Ouais. Tu vis ça? Non. Hein? Il faisait ça. L'ensemencement de nuages. C'est quoi ça? Tu peux jeter comme dans les airs plusieurs millions de petites particules d'aluminium. Okay. Donc l'eau vient se mettre alentour des particules, forme un nuage, il pleut. Donc il pleut pas à l'endroit où tu veux qu'il fasse beau. Tu comprends? Ouais. Mettons, on peut faire la danse de l'antipluie. Donc. Non, c'est ça. Mais on fait ça. C'est vraiment fucked up comme. Arrête donc, j'y crois pas. Là. Ça a l'air trop beau pour être vrai. Puis ça, tu peux faire des recherches sur Internet. Tu risques de tomber sur plusieurs sites d'Illuminati. Cependant, c'est vraiment... c'est vrai, là, l'ensemencement de nuages. C'est une vraie chose. Ah, ouais. Ouais. T'es un spécial de savoir des affaires de même. On improvise. Ouais, mais d'habitude, on parle de sous-marins. Là, on parle de choses plus aériennes que des sous-marins. Moi, c'est ça, on a changé de niveau. Celui au Smoke Meat, là. Avez-vous ça? Ah oui, annonce. Moi, ça m'intéresse pas. Non. Non. Je suis capable de m'en faire à la maison des Smoke Meat. Oui. Chez Club Price. Chicken Croise. On vit tant qu'à vivre les années 90. J'ai déjà vu une dame qui appelait ça. C'était drôle en maudit. Elle parlait au cellulaire. Puis elle, je sais pas avec qui elle discutait. Je suis chez Club Price. Club Price, ben non. Ouais, je trouvais ça bien drôle. Wow. Price de Nice. Ouais. Ouais. Elle appelait ça comme ça. Wow. Puis elle pète plus haut que le trou. C'est la... Club Price, oui. Moi, je m'imaginais. Parce que, en tout cas, je trouvais ça bien drôle qu'elle disait Club Prisme. Puis qu'elle vendait juste des prismes. Des boîtes de Kleenex. J'étais dans cette période-là du primaire, là, quand on voit les prismes réguliers, tous ces cossins-là. Ouais, ouais. T'as des effaces à tableau, je pense. Des prismes. Ouais. Des coffres à crayons. Ouais, toutes les prismes, de toutes les formes. Eh ben. Tu parles de club, mais moi, ça me rappelle, tu sais, quand t'es petit, puis tu vas au restaurant, puis là. C'est comme ta première fois que tu commandes tout seul, tu viens d'apprendre à lire. Puis là, tu regardes le menu, tu fais comme « Oh, ça a l'air bon. Oui, madame, je vais prendre un club. » Le club avec, tu sais, le nom du restaurant. Puis t'as la madame qui comprend pas, puis là, toi, t'as le goût de pleurer parce que tu comprends pas. Pourquoi qu'elle comprend pas? Mais finalement, c'est parce que c'est un club. Mais moi, j'ai jamais appris l'accent. Moi, c'est LUB, c'était club. Un club. C'est tout le temps drôle les 3-4 premières fois que tu commandes. Ouais, ça fait un peu dur. Moi, je me rappelle une fois, ça, c'est une anecdote super cocasse. J'étais avec mon père au... J'étais avec mon père au restaurant, puis là, j'avais une petite fringale. Moi, mon père, il me dit, puis tu sais, moi, j'avais pas tellement faim. Je dis, je vais prendre quelque chose dans le menu pour enfants. Mais, coup de théâtre, j'excède l'âge maximum du menu pour enfants. Là, il arrive le moment le plus bizarre que j'ai vécu de ma vie. Genre... Je dis, je vais prendre. Je me rappelle plus exactement c'était quoi. En tout cas, je vais prendre tel truc dans le menu pour enfants. Là, le serveur dit, ben, tu sais que c'est pour les 12 ans maximum, tu sais. Fait que, mon père, qui lui, il se disait, je vais. Moi et mon père, en même temps, moi, je dis, j'ai 11 ans, et mon père dit, il a 14 ans. Mais c'était vraiment bizarre, là, parce que j'avais même pas 14 ans, j'avais genre 13 ans. Puis ça marchait pas dans le règlement parce qu'il avait dit 12 ans. Non, mais c'est ça. Mon père lui, assumait qu'on. Lui, il dit, le serveur, il doit s'en foutre un peu, là, qu'on. Il va plier les règles pour quelqu'un qui a 14 ans. Faut que ça ait l'air réaliste quand même. Mais c'était con. Mais les deux en même temps du mon âge, puis un serveur qui nous regarde de genre de manière de dire oh, waouh! Ça fait tellement sitcom. Oui, c'était ridicule. Puis, c'est rare dans la vie que je rougis, mais quand je rougis, je deviens tellement rouge. Là, j'étais tellement gêné. J'imagine à l'époque, t'avais pas de barbe, non, caché. Non, ça, je l'ai eu à 15 ans. Ta barbe très, très épaisse qui est revenue dans le temps de le dire, parce qu'il me semble que quelques semaines, t'étais complètement rasé. J'ai vu des photos de mon party de Noël qui se déroulait comme là, un mois et demi. Ouais, ça. Puis j'étais fraîchement rasé. On parle vraiment là, d'un SOS, là, tellement c'était épais. Gros, là, une barbe de. J'ai bûcheron, commencé à parler à mon ballon de volleyball. Comme moi. J'ai recommencé ça. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il dit de bon? Je sais pas. D'ailleurs, on a une relation un peu malsaine. Parce que Wilson, tu comprends, c'est mon ami. Bien sûr. Mais il m'a volé mon ex. On s'en reparlera. Colin! Mais là, il est pas avec, fait qu'on a recommencé à se parler. Ton ex, c'est un bâton de baseball. Hein? Comment? Qui c'est que joue au soccer ou au volleyball avec un bâton de baseball? Je parle des affaires de sport, ça sort en. Arrête, les races, là, c'est pas parce que les ballons de volleyball doivent sortir avec les ballons de volleyball, c'est pas de même, non? Non, mais là, en tout cas, c'était un bâton de hockey. De volleyball? Un bâton de volleyball. Oui, un bâton de volleyball. Nouveau genre. Mais allez, sport, depuis qu'elle est partie, je suis pogné avec un bâton de lacrosse. Fait que. C'est bon. Ça finit bien, ça. Ça fait du bien de finir. Merci. Là-dessus. Gabriel Béhoud. Sur. Avec le. Bye. Dans le. Merci. On merci aussi ton collègue Gabriel Boutantrain-Houd, bien sûr. Ça lui fait tellement plaisir. Je vais faire le message. Ça fait plaisir. Puis tu salueras Wilson de notre part. Wilson, ça dépend, là. Il était parti chercher sa run de clope indienne. Fait que. Il y a une run de clope indienne. C'est. La vie. C'est super. Merci, Gab. Bye bye. Tu me laisses bouche bée. Bonne journée à vous. Bonne journée. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Et on s'en va ici dans nos pourquoi du comment. Pourquoi y a-t-il autant de châteaux sur les bords de la Loire? Eh bien, une concentration, hein, vous savez, ce célèbre cours d'eau qui traverse la France. Eh bien, donc, pourquoi autant de châteaux sur ces bords? Eh bien, une concentration exceptionnelle d'une centaine d'édifices dont l'origine remonte à la guerre de 100 ans qui a eu lieu entre 1337 et 1453 entre les Français et les Anglais. À cette époque, les territoires contrôlés par l'Angleterre s'étendait jusqu'à la région de la Loire, qui constituait donc un terrain d'affrontement entre les deux camps. Français et Anglais y avaient bâti nombre de forteresses, dont certaines ont été prises ou contrôlées successivement par les uns ainsi que par les autres, à l'image du château de Chinon, Hydre et Loire. Après la guerre, les châteaux ont été repris par des nobles et leurs fonctions militaires abandonnées. Les fortifications étant devenues inefficaces face au développement de l'artillerie, les nouveaux propriétaires de la Renaissance ont donc modifié leur architecture en profondeur pour en faire de vastes demeures. Celles-ci sont aujourd'hui visitées par plus de 3,5 millions de personnes chaque année. Les châteaux de la Loire, hein? Ça c'est vraiment un voyage à faire quand on est assez fortuné quand même. Sinon, pourquoi dit-on pratiquer la langue de bois? Hein? On le sait, c'est quoi pratiquer la langue de bois? C'est un peu dire plein de mots qui veulent pas dire grand-chose. C'est un peu ça. Donc, pourquoi dit-on pratiquer la langue de bois? Lorsqu'une personne détourne une conversation pour éviter de répondre à des questions embarrassantes, on peut dire qu'elle pratique la langue de bois. Cette expression, surtout usitée dans le monde de la politique, est apparue au début du 20e siècle en Russie. Pendant la Révolution russe, les habitants parlaient de langue de chêne pour se moquer de la bureaucratie tsariste, donc des tsars. Le discours de ces derniers était alors très codifié et rigide, d'où la comparaison au chêne, symbole de dureté. L'expression a ensuite pris la forme plus générale de langue de bois en arrivant en Pologne dans les années 70. Pour critiquer le régime soviétique, elle a été popularisée en France avec la médiatisation du mouvement Solidamosk en 1980. Et désormais, elle est pratiquée par tous les grands politiciens du monde, ou les moins grands, on pourrait dire. Pourquoi les mousquetaires s'appellent-ils ainsi? Eh bien, entrés dans l'imaginaire collectif comme de brillants manieurs d'épée, les mousquetaires doivent leur nom à une toute autre arme, bien sûr, qui était le mousquet. Hein? Mais pourtant, c'est vrai que dans la légende, on les voit beaucoup plus comme maniant l'épée de façon extraordinaire. Et tiens, on va se faire un petit dernier pourquoi du comment. Pourquoi l'art impressionniste s'appelle-t-il ainsi, de Manet à Renoir, en passant par Monet ou Pissarro? Même Van Gogh a touché un petit peu à l'impressionnisme. Eh bien, pourquoi ils ont marqué l'histoire de la peinture française au 19e siècle en fondant l'impressionnisme? Eh bien, c'est un terme né au départ d'une moquerie. Il est apparu en 1874 sous la plume d'un critique d'art, Louis Leroy, dans les colonnes du Charivari, une revue satirique. À l'époque, les pionniers du mouvement, rejetés par les galeries officielles, qui n'avaient Dieu que pour la peinture classique, avaient organisé leur propre exposition. Parmi les œuvres montrées, le tableau Impression, Soleil levant de Claude Monet, a retenu l'attention de Louis Leroy, qui a jugé la toile moins travaillée qu'un papier peint. Pour ridiculiser Monet et ses confrères, il les a appelés impressionnistes, sans se douter que cette expression, reprise par les journaux de l'époque, finira par être adoptée par les artistes eux-mêmes et de se donner finalement un nom à leur courant artistique. Maintenant, sur un coup de tête, il détruit la maison de sa femme au bulldozer. Il s'appelle James Rhin, un habitant du Middletown, une petite ville du New Jersey. Il n'est pas du genre à faire dans la demi-mesure. Impatient de rénover la maison de sa femme, qui menaçait de tomber en ruine, il a réussi la prouesse de la détruire en quelques heures. Donc, cet homme de 48 ans trouvait sa maison dangereuse et vétuste. Eh bien, sa maison, pas vraiment, c'est plutôt celle de sa femme. Donc, lundi, sur un coup de tête, il est parvenu à la démolir en un rien de temps. De bon matin, il est parti déposer une demande de permis de démolir à la mairie et manque de chance, le service compétent était fermé. Qu'à cela ne tienne, déterminé, il a loué un bulldozer et en début d'après-midi, il s'est attaqué à détruire la maison de 250 mètres carrés. C'est à ce moment-là qu'il est permis de douter de la lucidité de James Rand. En effet, tous les effets personnels de son foyer étaient encore à l'intérieur et sa femme était partie travailler. Elle n'était toujours pas au courant des travaux de rénovation qu'il avait choisi d'entreprendre. Un oubli, une vengeance, non, dira-t-il à la police venue l'interpeller à la demande du voisinage. Elle ne répondait pas au téléphone, tout simplement. L'épouse du propriétaire a donc découvert l'étendue des dégâts en rentrant. Elle s'est mise à crier et demandait où était sa maison. C'est ce qu'ont témoigné des voisins au micro de la chaîne NBC News. Le mari a été libéré sous caution. Il assure aujourd'hui qu'une fois sa légitime émotion passée, son épouse a surmonté tout cela et que désormais tout va pour le mieux dans leur couple. OK. ben oui. Sinon ici, il lance une campagne de crowdfunding pour trouver l'amour. Ben oui, hein, il y a toujours une raison de faire une campagne de crowdfunding. Après combien de temps on trouve l'amour? Tom Packers, un Anglais de 26 ans, est persuadé qu'il lui faut 13 rendez-vous avec différentes jeunes filles avant de trouver la bonne. Et pour pouvoir leur offrir ce qu'il y a de mieux, il a décidé de se faire financer par les internautes via un site de crowdfunding. Car comme il l'explique, ce jeune homme, au look parfait de hipster, il passe son temps à écrire des poèmes et à faire des cocktails dans un bar de Norwich et n'a pas les moyens de ses ambitions. Pour lui permettre de réunir les 1700 euros nécessaires, selon lui, pour parvenir à ses fins, les internautes sont invités à donner diverses sommes d'argent. Et en échange, Tom leur promet un remerciement à 1,30€, un rendez-vous à Londres, 130€, voyage non compris, et un aller-retour pour la Ville de l'amour à Paris, 1,300€ pour une journée. Certes, la contribution dépasse largement le coût du voyage, mais comme le dit l'adage, le véritable amour, lui, n'a pas de prix. Et puis tiens, on pourrait se laisser... on va-tu avec ça rapidement? On va faire ça rapidement, tiens. Une base souterraine d'OVNI repérée sur Mars. La photo qui agite la communauté des ufologues a été publiée en février 2014 sur le site Internet de l'agence spatiale américaine, la NASA. Prise par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, elle laisse observer une structure inhabituelle à la surface de la planète Mars. Et si de prime abord, on pouvait croire qu'il s'agit d'une formation rocheuse particulière, certains se livrent à des interprétations, bien sûr, plutôt inhabituelles. Selon certains passionnés et... je dirais illuminé, il pourrait en effet s'agir de la partie visible d'une gigantesque base souterraine d'OVNI. Il s'agirait d'un dôme métallique surplombant la mystérieuse installation. Sur le site UFO Sighting Daily, on va même plus loin, c'est en observant depuis longtemps ces bases dissimulées au grand public que la NASA aurait elle-même imaginé des bases souterraines pour accueillir les premières missions habitées sur place. Une hypothèse qui aura sans doute quelques difficultés à s'imposer dans la communauté scientifique. Je sais pas. Je pense que c'est tout à fait légitime. Et sinon, ben on va se quitter, je pense, avec ça. On va se quitter avec un segment des 1000 chansons à avoir entendues dans sa vie. Je vous envoie la pièce « I Wanna Be Your Dog » des Stooges. L'auteur, c'est bien sûr Iggy Pop, Dave Alexander, Ron Ashton et Scott Ashton. Les productions sont chez John Cale. Le label, c'est le célèbre label Elektra. L'album, c'était « The Stooges » en 1969. Elvis Presley a peut-être ouvert les portes du chenil avec son Hound Dog, mais c'est sans conteste que ce morceau qui a lâché les chiens dans l'univers du rock. Les Stooges, moi j'aime mieux dire les Stooges, les Stooges, mais bon. Les Stooges ont donc troqué les chansons mielleuses pour Baba à la fin des années 60 contre ce rituel d'accouplement sauvage évoquant les souffrances et les joies des amours adolescentes. La distorsion et les trois accords, le sol, le fa dièse et le mi, de la guitare insistance de Ron Ashton, l'unique note de piano jouée d'un bout à l'autre par le producteur John Cale et la voix d'Iggy Stooge, pas encore Iggy Pop, délivre un sermon un peu snob sur l'amour asservi allant encore plus loin que les histoires de déviance sexuelle racontées par le Velvet Underground. Dans le Rolling Stone, le critique Edmund Ho Ward avait écrit que ce morceau était lourd, ennuyeux, sans goût, ni imagination et infantile. La chanson ne se contente pas d'être un propos d'adolescent sur l'avilissement. La façon marécageuse dont Muddy Water a repris le classique de Big Joe Williams, Baby Please Don't Go, se transforme ici en un cocktail grossier à la monotonie blues rock. Le single n'est pas entré dans les hit parades, mais son nihilisme a fait vibrer la corde sensible d'une génération déroutée de la fin des années 70. Reprise partout dans le monde par des icônes du punk comme Richard Hells et Sid Vicious, aux prophètes de l'ère post-punk qui étaient The Falls, Père Ubu et Sonic Youth, cette chanson a été interprétée par R.E.M. et Patti Smith lorsque les Stooges ont été admis au Rock and Roll Hall of Fame en 2007. Donc, dans le segment des 1000 chansons à avoir entendues, à écouter et à savoir apprécier dans sa vie, je vous envoie la pièce des Stooges, I Wanna Be Your Dog. Et je pense que ça va être pas mal la pièce sur laquelle on va se quitter. Je vous dis à demain pour un autre dîner de con à 11h. Sinon, restez sur les ondes du 89.1 pour les coups des franches avec mon ami Jean-François. Restez là! Présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Sébastien Gertin. Bonjour. Salut, j'ai oublié ton OF, excuse-moi. C'est correct. Sébastien F. Gertin, bien sûr. Mais toi, c'est vrai, là, c'est pas comme Yves Pépeltier puis Richard Zetirois. C'est un vrai F, ça, là. Non, non, il y a un vrai nom, là. Okay. Là. C'est... Est-ce qu'un jour, tu vas l'enlever? Je penserais pas. Pour changer de carrière comme Yves Pépeltier, qui est maintenant juste Yves Pelletier. Ah, je sais pas. Ouais, oui, maintenant, c'est il signe juste Yves Pelletier. C'est, Je pense qu'il a voulu se dissocier de cette image-là, malgré qu'il reste un authentique bouffon. bouffon ses... intelligent. Sur ses chèques de loterie, il signe ça, là. Oh. Ben, il a probablement jamais signé le P, on s'entend, ouais. C'est même pas son certificat de naissance. Soit dit en passant, Mathieu, pour avoir travaillé très longtemps dans un dépanneur, je peux te dire que la signature sur le chèque de loterie, là... c'est un mythe! C'est assez aléatoire, si je me trompe c'est... pas. C'est... ouais. c'est pas mal le teint. Ouais. Ouais. Passe-les, Colin. Un X. Oh, c'est... oh, fuck off. Chaud et grim. Bon, ben, Colin, c'est super, ça, ces sujets-là, ouais, ouais. Les sujets de fond, qu'on appelle, comme dans « Check It Backstore », si il m'en reste, mettons, ça, c'est le sujet de fond, ça. C'est la chronique éditoriale de Sébastien F. Gertin. « Sébastien F. Guertin. C'est moi. Chronique éditoriale du journal Zone Campus. Oui. On te parle comme ça aux deux semaines d'un sujet d'actualité. Apparemment, oui. On essaie de comprendre ensemble. Je sais que dans ce numéro-là, tu nous parles un petit peu des projets de l'AGE. Oui, c'est ça. C'est, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que c'était censé être mon premier éditorial de la session. C'était « Voici ce qui s'en vient en 2015 pour l'AGE ». Clac, dès le départ. Voici qu'est-ce qui comment ça regarde pour eux autres en 2011. Ça aurait été logique. En 2011. Ouais, 2015, excusez-moi. Pas très à jour, ouf. Là. Ouf! Non, pas de facile le matin. Fatigue. Ouais, c'est ça. Il y a eu comme un neurone qui s'est foulé en quelque part. Mais je pense que le calendrier 2015-2011, c'est exactement le même. Hein? Mathieu, oui, tu m'en parles souvent, des fois, le calendrier revient. Exactement. C'est pour ça que je me suis trompé. Je le savais. C'est ça. Tu utilises tes vieux calendriers. C'est pas ta faute, vraiment. T'es ouais. Cheap. Pas de ta faute. C'est un trait de personnalité. Okay. Ça arrive. Fais attention pour te présenter à ton rendez-vous chez le dentiste de 2011, par exemple. Puis t'as encore écrit sur ton calendrier. Ben, tu sais, mais c'est parce que mon dentiste aussi utilise son calendrier de 2011. Fait que comme ça, bien timé, complet. L'art de perdre du temps avant de commencer la chronique. L'art de remplir la demi-heure au grand complet pour rien. C'est ça. Ouais. Exactement. Ouais, c'est ça. Dans le fond, comme je disais, donc la chronique, c'était supposé d'être la première. À base, c'était supposé être le premier éditorial, ce qui veut dire que je l'ai écrit au mois de décembre, en plein rush de fin de session. C'est ça. Mais il faut dire qu'il a été réactualisé, repimpé. Exhibit est arrivé, a mis un système de son et un système à maison dans ton éditorial. Ouais, avec un foyer puis une trousse de toilettage pour animaux dans valise. Dis-moi, j'écoutais ça pour vrai, Pimp My Ride, c'est le genre d'affaires qu'il faisait. Wow. Ben mais, oui, aussi j'écoutais ça. Bon, ceci étant dit, encore perte de temps. Mon Dieu, on n'est pas dedans matin. Ça joue encore, cette mission-là. Des reprises de 15 ans, on sait de même. C'est de même. Ah, je t'es sûr, c'est pas des nouveaux? On a changé d'équipe. Ah, quand on change d'équipe, peut-être que ça se peut. Mais c'est-tu encore Exhibit? C'est-tu encore. Comment tu dis ça, Exhibit, ouais. Il semble que oui. Il n'y a plus de carrière, René, depuis ça. Ouais, c'est ça. Donc, on se remet dans le rush de fin de session du mois de décembre. C'est ça, c'est ça. Fait que ça, c'était pour dire, en fait, c'est que la chronique, ça fait déjà plus. C'est rendu que ça fait plusieurs mois qu'elle a été écrite. C'est comme dur de se remettre dedans un peu. Puis la plupart des choses sont encore vraies, mais en fait, j'ai décidé, je me suis dit, tant qu'à comme là, la relayer, plus comme ok, ouais, ok, je vais me remettre dans. Oui, ok. Puis là, que finalement, vous autres au montage, vous autres étant Mathieu et Myriam, qui veut pas, il y a des choses qui ont été un peu changées parce que là, ça, je disais, bon, la première chronique de la session, si on s'entend, il y a des trucs qui ont changé. Puis il y a un paragraphe au complet qui a sauté, en fait. Il y a un sujet au complet. T'sais, dans le fond, là-dedans, ceux qui me lisent depuis mes débuts, tu sais, les trois personnes, ben dans le fond, c'est que ma première chronique que j'avais faite dans le Zone Campus, dans le temps que c'était une chronique et non une éditoriale, l'an dernier, ça avait été quand Steph m'avait engagé. Quel bon choix! Ça avait été les 12 travaux de l'AGE qui étaient, en fait, je pense que j'en avais 6 ou 7. En tout cas, je n'avais pas 12, ça, c'est sûr. Fait que je me suis dit, on va refaire la même chose un peu parce que, anyway, il s'est encore rien passé de la session. Puis là, bang, attentat de Charlie Hebdo, puis cette chronique-là a pris de bord un peu. Puis on s'est dit, ben, c'est encore pertinente jusqu'à un certain point, fait que ça va être la deuxième. Puis on s'est rendu compte, on allait changer un bout du texte, je sais pas si je vole un punch. Mais on a changé un bout du texte parce que ça disait, tu sais, une nouvelle personne dans tel poste, bonne chance à lui. Ouais. Cette personne-là, depuis le début du mois de décembre, a déjà démissionné. Mais pas vrai. Mais il a été déjà remplacé. Mais c'est ça le fait que là, le bonne chance marche encore. C'est ça le point, ça reste vrai. Quoi. C'est vraiment très drôle. D'ailleurs, un petit mot là-dessus, c'était pas là-dessus que j'allais m'aligner pour le reste de la chronique. Mais moi, je tenais à le Je l'ai quand même. Quand ça, parce que Myriam m'écrivait sur Facebook à mesure que je changeais des trucs dans mon texte. Puis elle me dit, ouais, mais là, c'est plus vrai, tu sais, c'est plus lui. Puis je suis comme, ouais, mais il y en a un autre qui a été élu. Ouais, elle m'a dit, il est intérimaire. C'est quoi la différence? C'est parce qu'il n'y a pas eu d'ouverture de poste. C'est juste ça la différence. Ben, alors, je veux dire, il y a le chèque pareil, il y a le même job. Tu sais, c'est juste parce que ça aurait été ridicule de faire une ouverture de poste parce que la personne élue aurait été en poste. 2 mois et demi. Même pas. Hein. Un mois. Ouais. Avec la période de transition. C'est ça, avec la période de transition, toute la kit. Puis quand on dit un mot, on est généreux parce que là, après ça, tu tombes dans la fin de session. Fait que je veux pas. Puis en tout cas. Mais bref, ça c'était bien cocasse. C'est ça. Fait que moi, ce que je vais parler en fait, c'est un autre morceau qui a cessé d'être d'actualité. C'est que dans le fond, je parlais d'un AGE annuel qui a été très tardif d'ailleurs à la session d'automne. Il avait été question de créer peut-être un poste de vice-président à l'intégration multiculturaliste. Bon, je partais là-dessus un peu, puis je disais c'est un des défis parce que quand tu tombes dans les questions d'intégration, puis tout, puis de multiculturalisme, et ainsi de suite, veux pas, ça devient touché. Tu sais, c'est. Mais dans le fond, c'était tentant de voir cette idée-là, puis de dire, bon, ben ok, oui, c'est vrai, ça va montrer que le GE est ouverte et ci et ça, puis tout. Le problème avec ce poste-là, c'est que moi, je vois deux gros problèmes avec ça, en fait. C'est que, premièrement, si on regarde par rapport aux autres associations étudiantes équivalentes ou non dans la province, les associations étudiantes d'université, dans le fond, je veux dire, on est une des plus pesantes, entre guillemets, dans le sens que même des associations comme, mettons, la CADEL à l'Université Laval, qui ont à peu près trois fois le nombre de membres de l'OGE, puis qui ont des dossiers différents à gérer parce que c'est un autre système, là, fait qu'ils ont ils ont d'autres assos en dessous d'eux autres qui ont vraiment une existence légale, contrairement à l'OGE. Là, j'embarquerai pas dans cette discussion-là plus que ça, mais en tout cas, eux autres, ils ont j'aurais dû revérifier d'ailleurs le nombre, mais ils ont beaucoup moins d'officiers que nous autres. Okay. On est à 9. Présentement, il y a 9 officiers sur l'exécutif de l'OGE, puis c'est à peu près le plus gros nombre dans la province. Okay. Puis est-ce qu'il y en a littéralement 9 qui sont occupés, ces postes, en ce moment? Ah là, écoutez, ah, là tu m'embarques dans quelque c'est chose. C'est le genre d'affaires que je devrais savoir, là, puis c'est tellement dur à suivre. Il y a des démissions. Ils sont sûrement 3-4, là. Ben, je pense que présentement, il y a 9 personnes assises aux chaises. Okay. Là, là-dessus, il faut seulement... Il y en a qui sont des poupées gonflables, on va se le dire. Ouais, on les nommera pas. Ben, apparemment, je suis moins au courant des potins de bureau puis tout. Puis là, il y en a tout le temps... Il finit tout le temps... Ça, là, c'est immanquable à l'OGE. Il y a tout le temps... Il finit tout le temps par se faire des espèces de clics en dedans, ouais, du CX, puis avec certains administrateurs, puis tout. Puis là, chaque clic entre eux autres, c'est comme « Ah, oh, eux autres, là, ce clic-là, ils travaillent pas, ils se pognent le bang. » Puis là, l'autre clic, eux autres, c'est comme « Ah, oh, ceux-là, ils travaillent pas, ils se pognent le bang. » Tellement une ambiance plaisante, hein? Ben, je sais pas qu'est-ce qui se passe là, mais ça finit. Je pense que c'est une ambiance. Oh, ouais. Clairement. Oh, ouais. Bon. Tellement. Un trampoline. Une avion. Un autobus, celle-là, est top. Ouais, j'ai lu très bel article là-dessus. Okay, c'est ça. Ah, on embarque sur d'autres. C'est ça. Fait que, en tout cas, moi, ces patinages-là, c'est surtout pour dire qu'à un moment donné, ces patinages-là de oh, un tel travaille pas, puis un tel travaille pas, il faut faire attention à ça à un moment donné, puis tu sais, garde. C'est ta job. Nécessairement, dans des affaires comme ça, il finit par avoir des frictions entre les gens, puis ça sort dans des bavardages de même. C'est ça. Fait que, tu sais, on couvre pas ça dans le zone campus, juste des pour fois, vous dire. C'est ça, tu sais. Ouais. Je veux dire, à part si vraiment on a des preuves que, tu sais, comme vraiment, là, on a guetté devant le bureau de la personne, puis elle est systématiquement pas là, ouais, qu'on a accès au rapport d'officier, puis que dans son rapport d'officier, il y a 4 affaires décrites, tu sais. Parce que les officiers à l'OGE remettent un rapport à la fin du mois pour recevoir leur chèque, parce qu'ils sont payés au mois. Mm. Pas dire payés, parce que techniquement, c'est pas un salaire, là. Sont bourses de. Boursiers, ouais. Ouais, c'est comme le fromage. Ouais. Non, ça, c'est du boursin. Oui, ça fait le même sens. Ça sera plus les officiers de l'OGE, ça va être les boursins de l'OGE. Boursin et boursin. De l'OGE, j'aime ça. Ouais. Je n'en mettrai pas sur mes craquelins, par exemple. Non. Mais en tout cas, c'est ça. Moi, c'est ça. Je voulais revenir un peu sur la question, justement, du VP au multiculturalisme. Premièrement, le multiculturalisme, c'est pas une tâche. C'est une mentalité. C'est ça. C'est une façon de faire. Ça, c'est le petit bout, le gars en philo qui fait sa maîtrise à peu près dans ces sujets-là, ça le fatigue. Mais en tout cas, bon, on va laisser passer ça. Mais le problème que je trouvais avec ce poste-là, c'est comme je disais, premièrement, on a énormément d'officiers. Veux pas. Moi, je considère pas que nos officiers vivent richement avec les bourses qu'ils ont. Tu sais, ça a été parlé des augmentés, puis tout. Là encore, je veux pas rouvrir ce débat-là, mais. On peut pas dire qu'il coûte très. On peut pas dire qu'il y a de leur bord, ils gagnent très cher. Cependant, un officier, ça coûte quand même assez d'argent dans le budget de l'OGE. Veux pas. Je pense que c'est quand même nécessaire. Mais de là à dire qu'on s'en rajoute un autre, faut que ça vaille la peine. Mmh. Parce que dans les dernières années, la tendance a plutôt été le contraire d'essayer au moins d'enlever un poste. Il y a eu plusieurs tentatives en ce sens-là. Il a été pensé d'enlever le socio-culturel puis de remettre ça juste complètement aux assauts de programme. De toute façon, il y a des assauts de programme qui ont des assez gros, qui sont assez bien organisés là-dessus. Il y a eu le VP communication qu'on s'était dit à un moment donné que ça serait peut-être plus simple d'avoir plusieurs employés permanents à temps partiel, ben, semi-permanents, mettons. Hein. Un peu comme on fonctionne à GME, là, tu sais, là, qu'on redemande notre poste à chaque année, là, mais en tout cas, un truc comme ça, des gens qu'on paierait, mettons, 10 heures semaine pour, mettons, un qui serait payé pour juste faire l'affichage, c'est babillard, un qui ferait le site, qui s'occuperait de cet internet, ainsi de suite. Parce que c'est des connaissances techniques. Il y a ça qui avait été discuté, là, tout un peu dans le but, justement, de réduire la charge administrative, parce que un CX à 9, ben, c'est plus compliqué qu'un CX à 8. C'est vrai? CX réunion de conseil exécutif, là, je veux dire. Dans le jargon, c'est ça. On appelle ça un CX. Fait que c'est ça. Si on va en rajouter un dixième, je veux dire, une chance depuis qu'on a le depuis que le pavé est construit, la salle de réunion de l'EGE est rendue un peu plus grande qu'elle était, mais avant, déjà à 9, on était poigné dans la salle de réunion. Le pavé étant le pavillon à la vie étudiante. Exactement, dans lequel on est assis présentement. Oui, en effet, parce que le Nérébauchemin est maintenant nommé pavillon à la vie étudiante. Ouais, c'est ça. Le pavé, pour faire court. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, premièrement, ce que je dis, c'est que si on rajoute un poste d'officier, faut que ça vaille la peine. Faut qu'il y ait une motte dite de bonne raison. Puis moi, ce que je dis, c'est que si on veut vraiment un poste vraiment dédié à l'intégration des étudiants internationaux, parce que c'est ça qui était le but, en fait, c'était d'avoir vraiment quelqu'un à l'OGE qui s'occupe de tout ça, qui est vraiment la personne ressource pour les étudiants internationaux, qui connaît leurs problèmes puis tout, ben rendu là, ben là encore, ça pourrait devenir un genre de poste étudiant. Dans le sens qu'on a eu, à un moment donné, on a eu un... je sais pas exactement c'était quoi le nom du poste, mais c'était un genre de secrétaire à l'environnement. Dans le temps qu'on a commencé à parler de oui, OK, il faudrait peut-être enverdir le campus. Là, je fais exprès de reprendre le mot que le monde de droite aime bien gros, pitcher les enverdeurs. Hein, en tout cas, quand il a commencé à avoir, là, il y a eu un souci à un moment donné qui a commencé à prendre le dessus. Puis tout, puis à cette heure, je veux dire, c'était à l'environnement qui disait ça exactement. À cette heure, l'UQTR a créé un département pour ça, puis tout. Là. Mais au début, c'était le GEUQTR qui était un peu pionnier de ça. D'ailleurs, c'était, pour ceux qui le connaissent, c'était Louis Lacroix le premier. Ah, ben oui. Fait que c'est ça. Salut, Maki, s'il nous écoute. Mais c'est ça, on pourrait faire un peu le même genre de choses. Ça serait un employé qui est payé là, 10-12 heures semaine. Avec une certaine bourse pour être la personne ressource des étudiants internationaux. Moi, c'est une voie possible que je voyais. Mon autre problème avec le fait de créer un poste puis tout, j'y arrive là, c'est qu'il existe déjà des ressources pour les étudiants internationaux. Il y a le CIU, entre autres, qui est une association. Encore, c'est pas tombé, ça? C'est peut-être tombé, finalement. Mais il y en a d'autres. Okay. Premièrement, il y a des associations, je dirais, nationales, entre guillemets. Il y a l'association des étudiants sénégalais qui existe. Il y a les Tunisiens, je pense qu'il y en a une aussi. Il en existe un certain nombre comme ça. Il y a Alexandre Nanan qui a été... À l'AGE. Qui a été à l'AGE. Ben, je sais pas si c'est juste lui, ou, mais en tout cas, c'est lui qui m'en a parlé, qui a créé Complice aussi, qui est un groupe qui fait un peu ça. Fait que le SAE aussi fournit certains services par rapport à ça. Ben, on sait que le SAE, dans cet ainsi, ça va pas fort, là. C'est la première cible des coupeurs de l'UQTR. D'ailleurs, soit dit en passant, ils vous ont envoyé un sondage dans vos courriels. C'est important de le remplir. Okay. Puis j'ai pas été payé pour dire ça, c'est juste parce que les autres, ça leur donne des arguments pour s'ostiner pour pas se faire complètement couper leur budget. Là. Est-ce que t'as vu que le CE a changé de nom? Non. Il s'appelle dorénavant Les Services aux étudiants avec un S à service. Oh. Leur logo a maintenant un S à service. Ah. Ben, j'ai revu leur ancien logo de l'année passée, où il n'y avait pas de E à service. Il n'y a pas de S, c'était pour le service. Non, il n'y a pas de E. C'était, il n'y a pas de E. Sur. Mais bref, c'est rendu services aux étudiants depuis cette année. Je ne savais pas ça. Ben, grammaticalement, c'est plus correct parce qu'effectivement, il y a services, plus qu'une affaire qui font le service. C'est comme de l'information. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est du service. Je sais pas si c'est un service, c'est une quantité. Ça, ou si c'est, ouais, c'est ça. Fait que sûrement qu'ils ont juste corrigé le fait que ça se désapprouve. Faut croire. En tout cas, bref. Le service aux étudiants, en tout cas. Parenthèse, ouais. Vu que t'en parlais, t'sais. Ouais, c'est ça, t'as qu'à en parler. C'est parce qu'il va falloir changer nos indicatifs parce que l'assemblage requis est présenté par, maintenant, les services aux étudiants. Ah, ben ouais, c'est. En tout cas. C'est vrai. Par contre, c'est le ouais. C'est ce qu'on dit du service aux étudiants. Ça, ouais, c'est vrai. Des on a tendance à dire ça. Ouais. Ça dépend, ça peut être le regroupement service aux étudiants au pluriel. Tu sais, c'est on va le préciser dans l'intro de l'émission. Hey, dans le sens qu'on veut dire que. Ouais, c'est ça. Ça serait quasiment entertaining. Ouais. En tout cas, bref, mais parenthèse, ouais. Vu que t'en parles. Ouais. Ouais, c'est ça. C'était juste une parenthèse aussi pour dire que j'ai entendu dire que c'est à cause de ça qu'ils ont envoyé ce sondage-là, puis je sais que c'est dole faire des sondages, puis que ça me fait tout chier d'aller faire le mot t'as dit petite affaire pour l'évaluation du cours quand on va avoir notre note à la fin, mais c'est pas pour rien qu'on fait ça. Et c'est sur le portail étudiant? En fait, ils l'ont envoyé par courriel. Okay. Fait qu'il doit avoir un lien sur le portail aussi, là, d'un petit message à droite. Là. Ouais. Ils sont encore à droite? Ils ont tout refait le portail. Puis je la petite boîte là, qui vous dit les messages. Vous savez quoi, là, les petits messages sur le portail? Là, d'après moi, ils ont dû mettre un lien là aussi. Mais en tout cas, Fait que c'est ça. Ouais. Fait que moi, je voulais revenir un peu là-dessus sur l'histoire du VP multiculturel parce que ça a été enlevé, en fait, parce que finalement, ça a décidé de ne pas en faire un de ce que Myriam m'a dit. Fait que ça, c'était vraiment plus d'actualité, mais je voulais quand même un peu discuter de la question. Je sais pas c'est quoi les arguments qui ont été sortis par l'OGE pour ne pas le faire, mais j'imagine que ça doit jouer un peu dans les mêmes eaux. Entre autres, le complice, je sais qu'on en parle dans le plus récent numéro du Zone Campus, on en discutera avec Myriam tantôt, mais justement par rapport à ça, ici, la citation est, attention, pour justifier son choix de ne pas créer une vice-présidence aux affaires interculturelles, le comité expliquait qu'il préférait avoir une association complice forte plutôt que d'avoir un représentant sur le comité exécutif de l'OGE-UQTR. C'est la position. Ben, c'est parfait. Puis c'est vrai que cette personne-là aurait pas eu, je veux dire, mettons, j'essaie d'imaginer les dossiers que cette personne-là aurait pu ramener en exécutif, qui aurait pu ramener en CA. Qui aurait été pertinent pour toute la communauté, tout le monde ça, dans le comité. Tu sais, déjà, je trouve, les VP académiques, des fois, c'est un peu... lourd. C'est un peu... c'est des jobs de day-to-day, tu sais, qu'on disait, là. Du au jour le jour, là. C'est ça, tu sais, ils ont vraiment... Ce n'est pas des officiers qui vont avoir des gros projets. T'sais. C'est des officiers qui vont avoir à gérer des situations quand ils arrivent. Attends, mais qui n'auront pas tant que ça. T'sais, comme dans les dernières années, les VP académiques ont, ils ont certaines activités qu'ils font, comme les 5 à 7, ces affaires-là. Il y a eu aussi, qui ont été créés dans les dernières années, le RNA, qu'on appelle, RNA, là, le Rassemblement National Académique, qui, dans le fond, se ramasse tous les postes équivalents dans toutes les associations étudiantes du Québec, puis ils discutent entre eux autres, parce que, justement, c'est un poste académique en particulier, c'est un poste un peu légal, là, c'est-à-dire que, dans le fond, eux autres, ils gèrent les plaintes des étudiants qui ont des problèmes avec leurs cours ou... En tout cas, justement, là, ça s'appelle académique, là, tous les problèmes académiques ou pédagogiques. Les autres sont là pour ça. Fait que là, dans le fond, c'est ça, c'est qu'ils se font un rassemblement où ils discutent de ça ressemble à quoi vos cas dans votre université, puis vous, vos règlements ont l'air de quoi, puis ainsi de suite. Parce que ça joue beaucoup, justement, dans les règlements des études, puis ainsi de suite. C'est ça. Puis c'est déjà des... Comme je disais, c'est déjà des postes que, bon, ils ne vont jamais faire, tu sais, parce qu'un officier se doit... Un officier de l'OGE, quand il se présente, bien, il se présente avec un certain nombre de projets, puis après ça, il fait un plan d'action pour quel projet qu'il va faire pendant son mandat, puis là, ça, c'est assez pris au sérieux, là, c'est par rapport à ce plan d'action-là qu'on décide si la personne a fait de la job ou non. T'sais. Puis c'est sûr qu'ils vont toujours avoir peut-être un peu moins de projets parce qu'ils ont plus de day-to-day à faire. Fait que je me dis, le fameux VP multiculturaliste, ça aurait été un peu la même chose, mais je pense même encore pire parce que le but de ça, c'était vraiment d'offrir une aide aux étudiants internationaux qui arrivent ici puis qui, tu sais, qui ont besoin d'aide pour s'adapter, là, tu sais, veut pas, ne serait-ce qu'au climat, savoir que quand il fait moins 20, tu sors pas de truc. Préposé au mitaine. C'est niaiseux, mais quand t'as jamais vu de neige de ta vie, c'est pas le genre d'affaire que tu vas penser dessus. Mais là, tu vas aller à la GE, tu vas demander une paire de mitaines, mettons. Ça aurait pu être ça. Peut-être pas à ce point-là. Ou là, en acheter. Tu sais, ouais, c'est ça, il aurait peut-être pu diriger, ben garde, va à tel magasin, quand les rivières sont par là, puis va à tel magasin, va t'acheter des mitaines, puis une sucre. Là, on va dans le babette un peu, là, mais tu sais, ça peut donner un peu le genre de questionnement qu'on peut avoir, ou tu sais, des affaires un peu plus complexes, là, tu sais, juste savoir qu'on a des épiceries puis qu'il n'y a pas de marché, ou tu sais, des trucs comme ça. Là, la situation de travail, peut-être, au Québec c'est aussi. C'est ça, aussi, tu sais. Comment ça fonctionne. C'est ça, tu sais, la relation avec les profs, des fois, tu sais, puis c'est pas dans... Les universités fonctionnent pas, tu sais, je veux dire, même au Québec, les universités ont pas fonctionnent pas de la même façon là-dessus, fait qu'imaginez qu'après ça, quand on arrive d'un autre continent, c'est toutes ces choses-là, ce qui va les... Dans le fond, c'est ça, ce qui va les aider à s'adapter à la vie au Québec, puis à l'université au Québec. Fait que c'est ça, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut les laisser se débrouiller, bien au contraire, je pense que déjà c'est notre devoir de s'en occuper, mais c'est que c'est ça, c'est que... Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a des ressources autres qui sont beaucoup mieux placées qu'un employé. Mais c'est sûr que l'OGE, c'est facile d'accès, dans le sens qu'on sait pas mal tous où est l'OGE. Il y a des affichages pour nous dire c'est où. Alors que complice, si quelqu'un cherche complice, pour le moment, il faut savoir que ça existe. Ouais. Quand t'es étudiant étranger ou précédemment étranger. Maintenant, ami avec. interculturel. Ouais. Moi, j'aime tout le temps mieux dire international. Ouais, je trouve qu'étranger, ben, je pense qu'on en avait déjà eu. Je me suis surpris, certainement. Là, ouais. Les anciens étrangers. Moi, ça m'agresse, ce nom-là. Je trouve que ça fait vraiment négatif au bout. Tout à fait. Mais ça, où est-ce qu'on trouve complice? Ça, c'est quelque chose d'autre à savoir. Donc. C'est ça. Ben, ouais. De toute façon, là encore, je veux dire, l'OGE, les officiers sont tenus de tenir leur porte de bureau ouverte quand ils n'ont pas une bonne raison de la fermer. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire. Un étudiant arrive, il dit « Ouais, j'entends, mettons, j'ai tel problème, qu'est-ce que je peux faire? » Ben là, ils peuvent rediriger vers complice. Et voilà. Voilà. Puis ce qui est intéressant avec complice, puis ce qui est un peu plate, que c'est pas nécessairement le GE qui va pouvoir faire ça, mais c'est que dans complice, il va y avoir des étudiants internationaux aussi, qui eux-mêmes ont vécu ces problèmes-là. Fait qu'ils sont peut-être même plus capables de mieux l'expliquer que des Québécois nés ici, qui eux-autres, c'est pas un problème, tu sais, qu'on était élevés dedans, puis... Fait que des fois, ils vont peut-être être plus capables de tu sais, ils vont avoir une empathie différente, mettons. Mm. Fait que je me dis, ça a ça de bon. Là encore, je suis pas en train de dire qu'en tant que Québécois natif, on n'a pas à s'occuper de ça, bien au contraire. Mais tu sais, je me dis, ça peut, tu sais, d'avoir un peu de tout. Là. Je pense que c'est un peu ça que ce comité-là permet. Là. Cool. Oui. Ça conclut là-dessus? Ouais. Déjà? Donc, les projets de l'OGE pour 2015, on a parlé un petit peu de ces affaires. Vous pouvez lire l'article dans Zone Campus en ce moment, ou en tout cas à partir de plus tard aujourd'hui. Mm. L'éditorial de Sébastien Vigartin, comme toujours en page 5, perspective pour la session d'hiver. Ouais. Merci Sébastien Vigartin. Merci de l'invitation. Et on se retrouve dans deux semaines pour une autre chronique éditoriale. Et oui. Merci. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Eh bien oui, comme à l'habitude, le mardi à 12h30, je reçois mon ami Maître Jeff Veilleux pour 30 minutes pour l'indépendance. Salut Jeff! Salut, salut bien! Ça va bien? Oui! On s'en tire, hein? Oui, tout à fait. En tout cas, nous, la tempête de neige, elle nous fait pas peur. Puis, non, on a vu d'autres. Oui, oui, exactement. Mario Beaulieu va être allocuteur la semaine prochaine. Oui! Jeudi le 5 février, il va être à l'Atrium, donc dans le pavillon Ringuet. Et sur l'heure du midi, là... Peux-tu nous le présenter un peu? Qui est Mario Beaulieu? La semaine prochaine, je vais vous faire un portrait de Mario Beaulieu. C'est génial. Cette semaine, on va parler de la course à la chefferie qui se termine demain, en fait, pour le nombre de candidatures. Le premier débat a lieu demain à Montréal, à l'Université de Montréal, demain midi, en fait, le 28 janvier. On sait déjà qui va gagner. Ah non. Ben, en tout cas... On donnera pas raison à Lisée là-dessus, certain. Non, mais même Tiben aussi, il dit, là. Tiben Landry? Ouais. En tout cas, vas-y, mon mais gars. Mais avant de te présenter les candidats de cette course-là, nouvelle internationale, la Grèce qui a J'aimais tes articles que tu nous as envoyés. Un parti de l'extrême-gauche radicale. C'est rare qu'on entend ça, hein? Oui, en Grèce, le parti qui s'appelle Podemos, je crois bien. J'ai ça quelque part. En tout cas, ils ont été élus, donc il leur manquait 5 sièges pour avoir la majorité. Donc, ils se sont alliés avec un parti de droite nationaliste pour aller chercher leur majorité. Et donc, ils sont présentement à la tête de la Grèce. Mais là, t'as un parti extrême-gauche qui s'est allié à un parti de droite. Ouais. Génial. Oui, ben, exactement. Pour vrai, quand on peut réussir à trouver... chacun de son bord. Et le but de cette alliance-là, c'est de se défaire des politiques d'austérité qui sont imposées à la Grèce. Depuis 2010, la Grèce a contracté une dette de 240 milliards Ah oui, on n'est pas en mode, nous autres, là, l'austérité. Il y en a partout depuis 2010, à peu près, justement. Ouais, là, moins, ils viennent ouais, de comprendre, ça, ouais. Parce que c'est un mouvement mondial, là, ouais. L'austérité. Là. Ouais. Puis le Couillard, il a décidé d'embarquer là-dedans. Il va voir que... Nous autres, on est souvent en retard au Québec, là, mais on va arriver, nous autres aussi, à un moment donné, avec de quoi du genre. Là. Tout à fait. Et donc, la Grèce sont les premiers à nous montrer le chemin. Ils disent que c'est un message qui affecte pas seulement les Grecs, mais justement qui résonne dans toute l'Europe. C'est et clair. Qui apporte un soulagement pour les plus démunis. Je souligne au passage aussi que le jeune premier ministre, à la mi-trentaine, c'est la première fois depuis 150 ans qu'on n'avait pas eu un jeune premier ministre autant que ça. Eux autres, ils ont dit non aux dettes puis à tout ça, fuck all. Oui, oui. Ben, en tout cas, ils pensent à se détacher de la zone euro, ouais. Autant que le Front national le propose pour la France. Donc, il y a des sérieuses remises en question de cette dépendance à la zone euro et à ces politiques d'austérité-là qui sont atroces, là, parce qu'en Grèce, présentement, le taux de chômage est à 25%. Oh oui. Fait que c'est 3 à 4 fois plus que nous. Sans compter la dette là, qui frôle les 300 milliards. Et le chef, le dirigeant de Podemos, avait lancé en Espagne juste avant « L'espoir arrive, la peur s'en va, Syriza, Podemos, nous vaincrons ». Donc, un petit slogan qu'on connaît bien chez nous. Et donc, ils veulent transformer la Grèce en Venezuela. Voire en Corée du Nord, c'est ce qu'un article suggère, notamment la remontée du salaire minimum. On veut peut-être sortir de la zone euro. Donc, à suivre pour la Grèce. Je les salue. Ouais, nous, moi aussi, on les salue bien bas. De retour chez nous, les membres d'Option nationale ont fait un communiqué récemment et ont décidé de ne pas tenir de congrès extraordinaire pour appuyer un des candidats à la course à la chefferie. Ils disaient que ça demandait un petit peu trop d'organisation, que l'investissement militant nécessaire, un tel appui, ne valait pas la peine d'être fait pour le moment. Donc, bien qu'Option nationale maintienne sa position d'ouverture permanente à collaborer avec un parti inscrivant dans son programme un engagement d'accès à l'indépendance, suffisamment proche du leur, le conseil donc a jugé que le fruit n'était pas mûr pour une telle collaboration. Et le communiqué se termine en disant « D'ici là, Option nationale compte continuer son militantisme de terrain pour promouvoir l'indépendance et contribuer à former la relève politique du mouvement indépendantiste. » Génial. Donc, cette fameuse course à la chefferie. Donc, 5 candidats au lieu de 6, tel qu'attendu. Coup de théâtre, Jean-François Lisée a décidé de se retirer. Ouais. Je trouve ça malheureux. C'est une attitude bizarre. Ouais. Ça fait chicken, je trouve. C'est ça. Ah, oh, ben finalement, je peux pas être premier, fait que moi, je veux pas être deuxième. Exact. Fait que je quitte tout de suite. Au lieu de promouvoir toutes ces idées pendant 4 mois de course. Quand tu lances tes idées comme ça, mettons, peu importe le celui qui va être choisi, peut récupérer de ces idées magnifiques. Puis la crowd, je veux dire, mais les membres du parti, eux vont entendre des nouvelles idées, vont peut-être dire à leur chef ou à ceux qui supportent, « Hey, il y avait une super idée, là. Il y avait une super bonne façon de faire ou de passer à quelque chose. » C'est sûr qu'il reste là, il peut donner ses idées quand même, mais ça fait une attitude un peu chicken. Oui. Puis pourtant, il y a beaucoup d'expérience. On rappellera que Jean-François Lisée était pas mal le numéro 2 au référendum de 1995. C'est lui qui écrivait les discours de Parizeau. Il a une bonne expérience. Là, il est très intelligent. Il sait qu'il se met en tout cas. Mais là, coup de théâtre, il a décidé de s'en aller. Fait que je vais faire un petit portrait de chacun des candidats. Parfait. Ben, déjà, Lisée en partant, donc 56 ans. Député de Rosemont à Montréal, il a été ministre des Relations internationales, de la francophonie et du commerce extérieur. Puis, dans le fond, il a dit... ma chronique se base surtout sur un article du Journal de Montréal qui date du 15 septembre 2014. Et s'il y a des informations qui sont erronées ou incomplètes, je pourrais... les corriger. Oui, tout à fait. Et donc, Lisée avait déjà indiqué sur son blog que le PQ devrait renoncer à l'idée d'un référendum lors de la prochaine élection. Bon, déjà là, ça fait pas mal peureux. Ça fait chicken mal en partant, là. Tu sais, c'est... Oh non, pas tout de suite. Ça reste dans l'idée, la vieille idée, là. Ouais. Les conditions gagnantes, puis l'assurance morale. On est là pour, dans le fond, gagner, devenir premier ministre et non pour le reste, là. Ouais. En tout cas. Fait que moi, je pense que c'est peut-être une bonne chose. Aussi. Qu'il soit parti. Mais il l'a fait d'une façon, encore théâtrale. Ouais, ben il est théâtral quand même. c'est fou, là. Vraiment. Mais pourtant, l'homme de centre-gauche visait, en fait, il voulait mettre la souveraineté temporairement de côté. Il semble adapter ses idées à l'électorat afin de pouvoir prendre le pouvoir. Il est davantage en faveur de la gouvernance que de l'indépendance. C'est ce qu'on dit. Et il est clairement plus modéré que d'autres candidats pressentis. Sa priorité est de ramener le discours économique à gauche. Parce qu'il y a plusieurs livres, là. Mm-hmm. Comment mettre la droite KO. Il a répondu à Éric Duhaime à plusieurs reprises aussi. Il a quand même une bonne plume se liser. C'est triste. Mais non, c'est un intellectuel, ouais. Mais justement, peut-être un peu trop. Puis on se souviendra. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, dans le sens que... Il pense trop, peut-être. Là. Mais on se souviendra que Pauline Marois lui avait déconseillé de s'inscrire à la course à chefferie. Donc, il a écouté le conseil de Pauline. Un petit peu trop de tard, ma tante là. Pauline. Il a foutu sa merde puis il est parti après. Bernard Drainville, oui. 51 ans, donc député de Marie-Victorin, qui a été ex-ministre responsable des institutions démocratiques et de la participation citoyenne. Lui, il propose notamment de repousser à 2023 la tenue d'un référendum. Donc, il y a une démarche quand même claire. Au moins, oui. 2023, c'est-à-dire donc à la fin du mandat. Si le PQ prend le pouvoir en 2018, donc en 5 ans, on fait une démarche pour un référendum. C'est le plus indépendantiste du groupe, selon les chroniqueurs. Il ne se gêne pas pour le dire et pour demander qu'on en parle. Selon lui, c'est la seule façon de rallier la population à ce sujet. Même s'il n'a pas encore annoncé officiellement ses intentions, ben là, c'est fait. Ouais. Bernard Drainville est déjà en campagne. Il utilise beaucoup les réseaux. Il aime montrer qu'il est un gars de terrain. Il rappelle constamment qu'il a grandi sur une ferme. Et M. Drainville veut montrer qu'il est près des gens. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs, tout le monde en parle, revalorisant sa charte 2.0. Mm-hmm. Moi, j'étais déjà d'accord avec la version 1. Moi aussi, j'étais déjà d'accord avec la version 1. Et l'appui populaire a monté à 59% pour cette nouvelle charte. Donc, tant mieux si on va de l'avant, là, mm-hmm. parce que la commission Bouchard-Taylor, c'était en 2007-2008, puis ça a été mis sous le tapis par le gouvernement Charest. Donc, la Charte de la laïcité, on en a besoin d'une, mm-hmm. puis ça fait 5 ans qu'on en parle. Fait que ça serait le temps qu'on agisse, là, même plus que 5 ans. Là. Ça va faire 10 ans. Mais encore, c'est toujours la peur qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, là, mais que les libéraux nous ont amenés. Ouais. Et ça, c'est grave, puis c'était peur. On veut pas être traité de raciste, on peut être traité de xénophobe. Puis certains, je veux pas être plate, mais certains platoniens de Montréal, tu sais, des gens qui sont trop ouverts, là, qui comprennent même pas qu'est-ce que ça peut être, parce qu'eux autres, ils vivent dans leur monde en ballon rose. Là. Ouais. Mais sérieux, c'est pour vrai, c'est comme... Il y avait rien d'épeurant dans la charte de Bernard. Là. Non. Pas en tout, là. C'était tout était écrit, tout était correct, puis il n'y avait personne de brimé, à part si tu es un fanatique, peut-être, mais gars, on n'en veut pas de fanatique, c'est juste ça. Puis en fait, c'est juste au travail qu'on les empêche de s'afficher, là. C'est pas dans leur vie personnelle. Non, c'est pas du tout. On ne va pas détruire des églises, là. T'sais. Non, on ne fermera rien, c'est juste au travail, puis surtout dans des positions de pouvoir. C'est normal, je veux dire. Tout à fait. En tout cas. Il n'y avait rien d'épeurant. Bon, en tout cas, on partage le même point de vue. Donc, Drainville, lui, c'est le souverainiste convaincu. Oui. Lisée, c'était le gestionnaire, un de moins. Puis il y en a deux autres qui ont déjà quitté aussi. Je ne sais pas si tu te rappelles de Véronique Kivon. Oui, toi, tu m'en avais parlé. La députée de Joliette, que j'aimais beaucoup et qui avait soutenu à bout de bras le projet de loi sur l'euthanasie pendant 6 ans. Donc, Véronique Kivon, 44 ans, et Sylvain Godreau, 44 ans aussi, qui était député, ministre des Transports, député de Jonquière. Et donc, les deux se sont tirés. Finalement, les deux n'ont pas participé à la course. Les deux ont même... Il y a eu une rumeur d'alliance entre ces deux candidats-là. Un tandem assez discret qui voulait quand même contribuer par des nouvelles idées à mettre au débat, de l'avant. Véronique Kivon était quand même une candidate sérieuse qui bénéficiait d'un fort capital de sympathie. Mais il serait étonnant quand même que Sylvain Godreau présente sa candidature. Et effectivement, il ne l'a pas fait. Je me rappelle pas s'il a appuyé quelqu'un, par contre, encore. Mais ça reste à suivre dans les prochaines semaines. Il avait tous les atouts pour devenir chef. C'est un modéré, pas très pressé pour un référendum. en tout cas, la surprise, c'est qu'il ne se lance pas dans la course. Mm-hmm. Et il ne l'a pas fait. Mais Véronique Kivon, qui faisait partie de mon top 3, a décidé de laisser sa place. Mais, dommage, mais c'est comme ça. Ouais. Mais toujours là, tu sais, les gens restent là. Ouais, là oui, c'est oui. juste qu'ils veulent pas se. Ils briment pas la place du top en haut. Tout à fait. Puis pour venir à Lisée aussi, soulignons que sa femme vient d'accoucher à Noël. Donc, il y a peut-être aussi une balance sur la famille qui a des pesé, valeurs là. Qui prennent. Ouais, ouais. C'est ça, qui prennent part à la décision. Tant mieux. Oui, oui. Pour lui. Alexandre Cloutier. Oui. 37 ans, député du Lac-Saint-Jean, ex-ministre délégué aux affaires intergouvernementales canadiennes. Lui, il a proposé que le vote à la chefferie soit ouvert à tous les Québécois plutôt qu'aux seuls membres du parti. C'est pas faux. Moi, j'étais d'accord. Vraiment? Ça pouvait faire participer la population, là, faire connaître le Parti québécois. Tu sais, ça... ben, moi, je trouve que c'est d'une logique vraiment brillante parce que, justement, aux élections, c'est tous les Québécois qui votent. Ouais, fait que, ouais. Ça aurait été une bonne décision, je pense. Et surtout que c'est un parti qui essaie de se renouveler et de se reconnecter à une base militante. Tout à fait. Ça aurait pu être intéressant. Malheureusement, ça n'a pas été retenu comme... Comme façon de faire. Comme façon de faire. Et on avait jusqu'à demain pour devenir membre du PQ okay. pour 5 $ PQ.org. Pour ceux qui veulent voter. On a jusqu'à demain, tu dis? Je pense, oui, jusqu'au okay. 28. Pour ceux qui veulent voter à cette course à la chefferie, que okay. le vote va être au mois de mai. OK. En deux tours, si nécessaire. Donc, Alexandre Cloutier, lui, c'est le jeune loup. Le candidat se positionne clairement comme celui de la relève, prêt à rénover en profondeur le PQ. Selon Éric Montigny. On sent qu'il veut montrer qu'il a une influence au sein du parti, qu'il sera celui qui pourra réformer les façons de faire. Une aura de renouveau et de jeunesse lui colle aussi à la peau. Comme le pensent plusieurs jeunes, il a affirmé que le PQ était déconnecté de la population. Ses idées sont très arrêtées, mais on ne sait pas si cela va lui servir ou non dans la course. Mmh. Moi, j'avoue que c'est un de mes préférés dans mon top 3. Candidat des jeunes, évidemment, le plus jeune des candidats. Ouais. Il a aussi signifié son intention de faire un registre de 1 million de signatures pour enclencher un processus référendaire. Okay. Donc, d'aller chercher 1 million de Québécois, déjà là, indépendantistes. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Il a aussi dit l'idée de... Après, la GRC va mettre la main sur ce registre-là, puis là, tu vas avoir des visites chez vous. Ouais, ouais. Non, j'en ai déjà, fait que... OK. Surpris. Il a aussi dit qu'il est en faveur de la gratuité scolaire, oui. un débat quand même très, très pertinent dans notre société. Et il a aussi dit qu'il voulait, pas abolir le serment du test, là, mais abolir la fonction de lieutenant-gouverneur. Okay. Donc, un petit peu plus républicain que les mm-hmm. autres, c'est quand même bien là, qu'on ramène J'avoue ces J'avoue qu'il y a des bonnes idées. Là. Ouais. Ouais. Et donc, on verra quelle place qu'il va réussir à se tailler parmi les autres. Parmi les grands. Ouais. Parce que, comme tu dis, c'est le plus jeune, 37 ouais, ans. Ouais, ouais. C'est l'âge du gars en Grèce, là. Oui, exactement. Exact. Exactement. Ah, la relève. Hein? Ah, la relève. Ça serait le temps là, qu'on ben passe oui. le flambeau, là. Tout à fait. Sinon, on va ressembler à la France, là, ce que les spécialistes appellent une gérontocratie. Donc, on mm-hmm. est dirigé par des vieux. C'est le temps que le flambeau se passe, là. Mm-hmm. On connaît ça ici à Trois-Rivières. D'ailleurs, tu connais les rumeurs, c'est notre super maire Lévesque qui a reçu plusieurs offres pour se présenter aux élections fédérales. C'est pas mal sûr qu'il va le faire, mais on ne sait pas encore si c'est pour le Parti libéral ou le Parti conservateur. Chose sûre, on encourage beaucoup le maire Lévesque à quitter Moi, ses fonctions. Moi, je l'encourage tout à fait, à se présenter pour qu'on puisse le détester une autre fois de plus dans une élection. S'il peut habiter à Ottawa. Oui, exactement. Et surtout qu'un député fédéral, ça a beaucoup moins de pouvoir qu'un député provincial ou un maire. Mm-hmm. Donc, tant mieux. Tant Ils vont faire moins de problèmes. Exact. Ouais. On va laisser des bancs en arrière. Là. Et il y a d'autres rumeurs qui disent que si Lévesque s'en va... peut-être que la candidate libérale, Mme Saint-Amand, oui. voudrait briguer la mairie une de Trois. Une bonne politicienne, quand même, Mme Saint-Amand. À suivre. Très populiste. Ben, c'est ça, même. Oui, mais elle est proche. En tout cas, ça serait mieux que Yves Lévesque. Ah, ça, c'est. Ça, c'est sûr. Faut dire qu'une patate serait mieux. Oui, c'est Yves ça. Lévesque. Une botte de foin, une chaise en carton. N'importe quoi serait mieux et plus démocratique. Le petit cadeau de Fido d'à côté serait même meilleur. Donc, on salue le maire en passant. Ah oui, on l'aime aussi. Il reste deux candidats quand même sérieux. Martine Ouellette, oui. 45 ans, députée de Vachon, ex-ministre des Ressources naturelles. On lui doit surtout l'importance, ou en tout cas, elle va passer à l'histoire pour avoir fermé Gentilly 2, oui. cette centrale nucléaire désuète qui coûtait 4 milliards à rénover. Ça a été fait un peu précipitamment. Il y en a qui lui reprochent ça, mm-hmm. mais quand même, il faut dire qu'elle l'a fait. Puis si elle n'avait pas été minoritaire, elle aurait sans doute fait plus de réformes, surtout sur les minières. Ouais, mais malheureusement, un gouvernement minoritaire ne peut pas imposer. Non, mais c'est ce que tu dis, c'est trop vite ou quelque chose. Mais c'est parce que si tu ne fais pas ça, il n'y a rien qui se fait. Et on le voit, là. à part des coupures, puis à part des trucs ça fait pas avancer personne. Il faut faire les choses. Puis yeah, le PQ en 18 mois, on a fait 10 fois plus que les libéraux dans les 12 dernières années à peu près. Là, fait, il faut faire les choses. Des fois, c'est un peu plus vite, mais au moins, ça se fait. Oui. Donc, Martine, on lui prête l'appui de certains syndicats aussi, déjà là en partant. Martine Ouellette est une militante près des mouvements sociaux à l'intérieur de son parti, ce qui pourrait lui donner un avantage non négligeable. Emmanuel Choquette rappelle aussi qu'elle incarne, tout comme son collègue Alexandre Cloutier, un certain renouveau. Mm-hmm. Même si elle est perçue comme une militante aux idées bien arrêtées, Mme Ouellette a su mettre de l'eau dans son vin alors qu'elle était au ministère de l'Environnement. Elle peut être rassembleuse, très jolie en passant. Donc, c'est la militante, son titre, là. La militante. Et mon coloc a écrit sur l'affiche « Je t'aime, on salue Dominique » qui était venu nous parler de Greenpeace. Là, et aussi, Martine reçoit l'appui, pas officiel, mais de beaucoup de membres de Option Nationale. Okay. Si Option Nationale aurait choisi un candidat, ça serait Martine Ouellette, qui est un petit peu plus pressée que les autres aussi sur l'échéancier du référendum. C'est une petite vite. Oui. Donc, très près de la population. Les enjeux environnementaux, elle les connaît. L'oléoduc là, est un dossier vraiment chaud qu'elle tient à rejeter hors de notre territoire. Et donc, ça va être à suivre. Moi, je la préfère comparativement au préféré, là, au candidat qui reste là, à vous décrire. Celui là. Que tu n'as pas parlé. C'est ça. Que tout le monde parle. Là, mais moi, je ne crois pas vraiment que la course est décidée. Okay. Comme Lisée le croit, là, je ne pense pas qu'on assiste à un couronnement. Ça reste des sondages internes. Parce c'est que clair. Le débat d'idées n'a pas encore été fait. Il va y avoir 3 à 4 mois de courses et de débats, d'échanges. De Cuba. Ouais, aussi. On le sait, au PQ, les gens entre eux, ils vont assez solides quand même. Ouais, ça c'est des fois, ils ne se souviennent pas qu'ils sont dans le même parti, par exemple. Ça, c'est un peu bizarre. Ouais, on espère qu'à la fin, tous les candidats vont finalement se réunir puis travailler ensemble. Oui, avec, exact. C'est avec ça, je veux dire. Le nouveau chef, là. Parce que les guerres intestines au PQ, des fois, ça existe. Ils sont solides, ouais. Infoman appelle ça d'ailleurs la glande de la chicane, là, la glande du péquiste, là. Ben, c'est ça. Mais comme tu dis, ouais, tant mieux si le débat peut faire avancer l'idée. C'est cela. Donc, premier débat demain à l'Université de Montréal. Et dernier candidat, M. Pierre-Carl Péladeau. Hein, qui? Hein? Député de Saint-Jérôme, 52 ans. Il refuse jusqu'à maintenant d'afficher ses intentions. Ben, là, sont affichés et certifiés. Ouais, ils courent pas après les médias ou quelque chose de même là, c'est bien. De toute façon, il y a bien d'autres choses à gérer, j'imagine. Puis vu qu'il part partant, c'est sûr qu'il y a avantage à garder ses idées un peu pour lui le plus longtemps possible, mais pas trop longtemps, on espère, parce que il doit bien en avoir des idées. il me paraît super sympathique. On rappellera qu'il a étudié en philosophie. Oui. Il a un diplôme à l'université de la Sorbonne, Sorbonne 8, Paris 8, et qui est l'université la plus à gauche dans toutes les universités. De la francophonie? Non, de la Sorbonne. Il y a comme plusieurs universités. Et petite information sur lui, qui a hérité là, d'un empire médiatique, gracieuseté de son père. Mm-hmm. Il est en chicane avec lui. Et je sais pas si tu connais l'anecdote que Pierre-Carl, le K s'écrit avec un K pour faire référence à Karl Marx. Okay. Et c'était carrément pour s'opposer à son père. Mm-hmm. Et donc, il a gardé le PKP, le K pour Karl Marx. Donc, quand même, donc un homme d'affaires à gauche, milliardaire. On dit que ses revenus annuels sont d'environ 800 millions par année. C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie du 1%, il fait partie du 0,01% des hommes d'affaires. Non, le 1%, on fait presque partie, toi et moi, dedans. Ouais, je pense 100 000 et plus. Mais tu comprends, c'est pas tant que ça. Tu n'as pas besoin de gagner tant d'argent que ça pour de faire partie du 1%. On est pauvres au Québec. On est pauvres sur la planète. Oui, aussi. Vraiment, ouais, là, à comparer. C'est sûr que la concentration des richesses, on est loin de l'égalité. Oui, parce qu'à un moment donné, j'étais allé sur... Il y a quelques années, il était sorti un site Internet où tu rentrais ton revenu annuel. OK, pour voir. Puis là, ça dit dans ton pourcentage. Ouais. Puis je te dis, j'avais mis le salaire d'un bien-être social par année. puis il était dans les 10% à peu près les plus riches de la planète. Ouais, ouais. Un gars qui est sur le bien-être ici, ouais. Il est dans les 10% à peu près des plus riches de la planète. Donc, on voit que ça, c'est pauvre, ça va pas bien. T'sais. C'est vrai. Ça fait sûrement dur. Vu l'étude d'Oxfam aussi de la oui. semaine dernière là, qui disait qu'en 2016, le 1% va détenir la moitié des richesses de la planète. Et l'article suggérait que si tu possèdes rien, ben tu possèdes déjà plus que tous ceux qui possèdent vraiment, mais vraiment ouais. rien. Là, exact. Ouais. En tout cas. Mais ça. Donc, Pierre-Carl Péladeau demeure un mystère pour les politicologues, selon l'article. On a tendance à le mettre à droite au point de vue économique, mais on ne sait rien de ses positions au niveau social. La bête politique en lui reste à déterminer, même s'il affiche clairement à quel point il est souverainiste, hein? Avec le point bien dans l'air. Ouais. L'homme qui est vu potentiellement comme un des favoris de cette course demeure discret, mais on sent qu'il cherche à projeter une image familiale en publiant de nombreuses photos de ses proches sur les réseaux sociaux. Le discret favori, c'est comme ça que le journal l'a catégorisé. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas la langue de bois. Quand en même. Ce moment, là. Ouais, ouais. En ce moment, vraiment, il en dit même des fois un peu trop. Des fois, il fait pas le politicien. Oui, c'est quand même ça, bien. Ouais. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. Puis c'est quelque chose, je pense, qui peut plaire à la population parce qu'on est assez écœuré des politiciens puis des baveux puis des hypocrites qui nous rient d'en face non-stop. Mm-hmm. J'en nommerai pas trois, là. Mais c'est hallucinant. Le trio McDo, le trio virant, ouais, de médecins, là. Ouais. Comment ils ont donné le serment d'Hippocrate, c'est ça? Ils tiennent le serment d'Hippocrate. D'Hippocrate, pardon. Non, mais c'est ça. Il n'est pas comme ça, mais pas du tout. Puis ça, je pense que ça peut plaire parce qu'il y a un certain cynisme envers la classe politique. Et lui, il ne démontre pas ça. Puis c'est plate à dire, mais tous les TVE du monde, puis la populace qui écoute La Voix, puis toutes ces cochonneries-là, ben c'est plate, mais ben pas c'est plate, mais ils vont être derrière lui, tu sais. Mm-hmm. Ça, c'est clair. Là, ouais, ouais. Fait, en tout cas, je ne sais pas ce que ça peut donner, comme tu dis. On ne le sait pas. Quand il parle, il se met souvent le pied dans la bouche. Ouais, ouais. Dans en des fait, discours. C'est sa plus grande faiblesse. C'est ça, ouais. son verbe ouais. qui n'est pas très fluent non. et pas très cohérent. Mm-hmm. Il n'est pas bon en discours. Non, il n'est pas bon en discours. Et le PQ a besoin d'un chef rassembleur. A besoin d'un René Lévesque, quelqu'un qui n'a pas besoin de lire sur une feuille de papier pour être inspiré et pour trouver des phrases rassembleuses, là, historiques. Là. Des trucs qui punchent puis qui vont marquer l'histoire, comme tu dis. Je ne sais pas si tu as écouté Infoman la semaine dernière. Souvent, oui. Ça a terminé avec un discours de pick-upé dans une boîte de pick-up et qui était franchement assez ça volait pas décousu. Mais je lui souhaite quand même là, la meilleure des chances. Il reste quand même un bon député, puis peut-être que la possession des médias va lui nuire aussi. C'est peut-être une autre de ses faiblesses, mais comme dit l'adage, on aime toujours mieux un premier ministre qui possède des médias que des médias qui possèdent des premiers ministres, comme c'est le cas actuellement avec Power Corporation et le Parti libéral du Québec. Tout à fait. Mais moi, je pense pas qu'il y a autant de poids que le monde pense okay. là, sur ces médias. Je pense que... Il doit avoir bien d'autres choses à gérer là, que de dire « Bon, ben aujourd'hui, vous allez écrire ça. » Ben oui, il fait des réunions, puis il envoie des communiqués. Non, il n'y a pas le temps de faire ça. Je pense pas. Je pense que les journalistes qui sont là savent travailler aussi, là, puis ils se laissent pas dire quoi écrire. Puis comme tu as dit, dans plusieurs journaux, il y a des lignes éditoriales. Ça, c'est pas nouveau. Là. Mm-hmm. C'est comme... Le journaliste, il y en a qui les suivent, il y en a qui la suivent pas. Oui, c'est ça en plus. Là, Guy Foglia ne suit pas la ligne de son journal. Il dit qu'il est indépendantiste et qu'il en est fier. Puis d'ailleurs, Foglia a appuyé Pécopé parce qu'il était content. Et, récemment aussi, Manuel Bilodeau, le comédien, oui. a appuyé, pas nécessairement Pécopé comme candidat favori, mais au moins l'idée qu'une personne se présente dans le motif principal de faire l'indépendance exact. Du Québec. Donc déjà là, on a un discours clair, mieux établi, puis centré sur l'objectif principal du PQ qui reste de faire l'indépendance. Parce c'était que sa raison si d'exister. Si t'enlèves l'article 1 du PQ, Ça sert à rien. Juste la gouvernance, comme tu dis, c'est pas. Ça fait des années qu'ils le font, là, juste la gouvernance. Je pense qu'on est passé on est rendu à passer à d'autres choses. Mais en fait, le PQ, quant à moi, c'est un peu planté en 2012. C'est en 2012 qu'il aurait dû être majoritaire. Mm-hmm. On aurait eu la paix, il aurait pu faire les réformes qu'il voulait, autant sur les minières que d'autres réformes importantes à faire. Et ils se sont un peu plantés. Le momentum était vraiment là en septembre 2012. Ils ont passé proche. C'est sûr que notre mode de scrutin est pas mal déficient aussi à plusieurs égards. Ça n'a pas de bon sens. À quand que ça va changer? Autant au fédéral qu'au provincial, ça n'a pas de bon sens. Ça ne représente pas du tout la population. C'est honteux. Hey, on n'aura pas le temps d'écouter de la musique, ben. C'est triste. Ben, on va partir direct là en musique. On partir tout de suite en débat musique. Débat à suivre demain au PQ à l'Université de Montréal, donc à midi. Et je vous laisse avec les bâtards du Nord, levons la corne, parce qu'on va fêter on va fêter les débats sur l'indépendance pendant les 4 prochains mois. Donc on écoute ça, merci beaucoup. Bonne Jeff semaine. On se reparle mardi prochain. Pour ce qui est du dé de con, ben, je vous dis à demain 11h, on écoute justement les bâtards du Nord. Yes! À demain 11h. Présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Enfin, on va pouvoir s'arrêter quelques instants et manger. Oui. C'est une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle je me dirige vers un magasin, un dépanneur, une épicerie, peu importe. Je pogne un produit qui a l'air intéressant, soit parce qu'il est neuf, soit parce que j'y ai jamais goûté. J'espère qu'il est neuf, s'il est déjà entamé, dégueulasse. Fait qu'il est à moitié ouvert, j'arrive à la caisse, il en reste la moitié, puis j'en garde pour le nom. Je n'y goûte pas avant, non. Ben non, que je te vois. Ben c'est ça, puis des fois, j'espère en tout cas que c'est des affaires auxquelles tu n'as pas goûté toi non plus. Bon. On l'espère. Là, j'ai le sac magique. Vous entendez le sac magique? Le sac de plastique. On voit un petit peu au travers, donc Steph peut vraiment éviter les produits qu'elle veut pas. donc je lui donne le sac et elle va choisir parmi ça le produit qu'on va goûter ensemble parce que j'ai une cargaison à l'infini. Est-ce que j'ai le droit de tenter ou je dois prendre? Non, vas-y, tentons, okay, oui, okay, non. Je peux tenter. Tente et dis-nous qu'est-ce que tu penses que c'est. Ça, c'est un paquet de cigarettes. OK. Peut-être, le nouveau modèle de Camel. Camel Toe. Ça, oh, je sais pas c'est quoi. J'ai envie des affaires qui sont pas utilisables, donc tu peux prendre n'importe quoi. J'ai une affaire qui faut un verre, puis j'en ai, tu sais, on l'a pas en studio. Ah, oh, ça, je sais pas c'est quoi! Ça, je pense que je sais c'est quoi. Mais, non, ça m'intrigue. OK, ça m'intrigue trop. Je vais y aller avec ça. OK, ah, bonne idée, c'est bon. Ça, c'est le plus récent, en plus, que j'ai, ajouté au sac. Parce que le sac, en temps réel, se fait garnir de nouvelles affaires, une fois de temps en temps. Qu'est-ce que c'est, Steph? Premièrement, c'est du chocolat. OK, ça part bien. Non, ça part mal. Ah, parce que... Ah, attends un peu. Est-ce qu'il y a de l'alcool dedans? Je pense pas qu'il y ait de l'alcool dedans. Ben, c'est écrit cognac. Il doit avoir de l'alcool. Ah, je pensais que c'était avec du faux. Moi, je me suis déjà saoulé avec des chocolats au Baileys. OK, bon, prends-le pas ça devant. Je sais pas. Attends un peu. Prends autre chose. Mais là... Prends autre chose. Mais non, mais on a parlé. Mais non, on va pas. Mais non, tu vas pas goûter à ça s'il y a du cognac dedans. Mais non, mais toi, tu peux en parler. Ah, c'est plate, ça, mon dieu, ça fait une chronique plate, mais ça. Mais il est sorti, ah ouais. Ah, boy. Ah, moi, je vais tellement bien faire. Donc, ce qu'on fait, c'est ce qu'on va goûter, c'est du chocolat fourré au cognac liquide. C'est cognac noir par Camille Bloch. C'est qui ça? Je sais pas, mais c'est Mon Chocolat Suisse. C'est leur slogan, Mon Chocolat Suisse. C'est donc du Schweizer Dunkel Schokolade mit Flüssiger Cognac Füllung. Ah ouais, ouais, ouais, ouais. Comme on dit. Ça me dit vaguement quelque chose. Et c'est précisé que c'est sans croûte de sucre. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce qu'habituellement, il y a des croûtes de sucre? D'après sur, moi. Donc, c'est du chocolat. Ben, c'est ça. Apparemment, peut-être avec. Je sais pas. En fait, c'est pas vraiment. Ben, c'est écrit liquide, cognac liquide, mais t'as juste à lire les ingrédients. Bon, on va y aller avec les ingrédients d'abord. Barre de cacao, sucre. Ben oui, Colin, alcool. T'as bien raison, cognac. Ben ouais. Sirop de glucose, barre de cacao, beurre fondu, donc lait, dextrose, eau et un paquet d'autres affaires. C'est un collant qui a été ajouté par-dessus, donc d'après moi, ça vient originalement de Suisse. Parce oui, que c'est ça, ça doit même pas être écrit ni en français ni en anglais. Ben, peut-être ben, en anglais. Oui, c'est marqué en français dessus, chocolat suisse noir fourré cognac liquide, mais non pas en anglais, en effet, c'est seulement suisse et français. Camille Bloch, Bloch.ch. C'est pas Bloch? Je sais pas. À consommer de préférence avant la fin du mois d'octobre 2015. C'est bon, on a encore du temps. C'est un format 100 grammes dans une petite boîte. Il n'y a aucun gramme. 100. T'es drôle. Alors, c'est dans une petite boîte de carton avec des angles. J'aime bien l'apparence oui, angulaire. Oui, c'est ça. C'est, je te dirais que c'est un... D'ailleurs, c'est quoi le contraire d'un parallélogramme? C'est un trapèze. Mais c'est pas le contraire, mais dans ma tête, c'est le contraire. Un peu un trapèze, ouais, si on veut. Oui, mais là, si tu regardes le bout, c'est un trapèze. C'est un trapèze. C'est un prisme trapézique. Ah oui? Je sais pas c'est quoi le nom. Non, pas un prisme prismesque. Mais c'est un trapèze en 3D. Ouais. ouais. Donc, alors, c'est écrit en anglais sur le côté. Oh. Juste sur le côté. Ouais. C'est Swiss Dark Chocolate with Cognac Syrup Center without Sugar Crust. Mais moi, tu vois, tu me dis qu'il n'y a pas de croûte de sucre. Puis là, soudainement, je veux essayer celle qui a la croûte de sucre. Parce que là, tu me dis que non, je ne peux pas avoir. Là. Non, mais c'est parce que peut-être que c'est quelque chose de négatif. Peut-être une croûte de sucre. Peut-être que c'est un défaut de fabrication. Hey, s'il y avait des croûtes de sucre pour mes toasts, je mangerais mes croûtes tout le temps. Tu sais, comme dirait Pépé et sa guitare, croûte que croûte. Hein? Ah ouais, c'est ouais, ça. Est-ce que tu veux l'ouvrir dans le micro-machine? Ben oui. Est-ce que tu penses, Steph, que tu vas pouvoir au moins licher l'extérieur? Oui, tu peux licher l'extérieur, okay, le carré. Je vais licher l'extérieur. Au moins, non, mais là, à un moment donné. Moi, je vais analyser l'alcool, puis Steph, tu vas analyser le chocolat. Puis si tu veux goûter le carton, t'as le droit de te le mettre dans la gueule aussi, là. Tu sais, vas-y, comme ça te tente. Bon, je vais commencer avec le carton. OK. Avec ses dents dans le micro, ce qu'on entend. Ça goûte comment? Ça va de ketchup. Ça pointe des dents. Ouais, OK. Est-ce que c'est digne d'une chocolaterie suisse, le carton, Steph? Faut-tu que je le bouffe, pour vrai? Ben là, tu fais ça à job ou t'as fait pas? Ah, c'est beau. je te dirais que c'est très rigide. Ça, étrangement, ça pointe des dents. OK. Ça s'écrase mal, mais... Tu sais, c'est bizarre parce que ça devient mou, mais ça reste dur. OK. Ben, il faut vraiment que tu l'avales sans manger. OK. Ça, c'est des facteurs que, tu sais, vous, le grand public, n'aurez pas vraiment à retenir parce que vous aurez pas à goûter le carton, littéralement. Mais, tu sais, Steph, c'est contre ses croyances religieuses de ça boire une gorgée d'eau. Une petite gorgée d'eau pour voir si ça dilue un peu, si ça fait des pâtes et papiers dans ta bouche. Hey, j'espère que je sentirai pas la Kruger, moi. Je vais roter une odeur de Kruger. Burp. Bon, donc on ouvre le carton dans le micro magique. Ça sauve vraiment bien. C'est mais problème. Là, il y a du papier d'aluminium. D'aluminium. Oh. Il est nu maintenant. Ça sent le bon chocolat noir, mais on sent quasiment l'alcool à travers. Ah ouais. Tu sais, il y a une odeur particulière que j'associe au chocolat alcoolisé. Ah, ben ça c'est sent bien, vraiment ça. Bon. J'aime ça. Bon, lèche pas la palette, là, par exemple. Non, je vais quand même couper un petit bout. Que je vais... Ah, c'est beau, on dirait des whippets. C'est vraiment super beau. Hey, vois-tu, en fait, je trouve ça vraiment génial parce que c'est comme une grosse croûte de chocolat, OK? Et sur la croûte, à intervalles réguliers quand même, il y a comme des espèces de bulles d'alcool. Oui. Donc, on dirait un bouton sur lequel tu pourrais appuyer ou peut-être te péter le bouton, genre. Oui, c'est écrit Camille Bloch dessus. C'est pas marqué genre péter le bouton ici, genre. Non, c'est dégueulasse. Ouais, c'est ça, une grosse vérule. Mais ce qui est bien, c'est que moi, je vais pouvoir grignoter le tour de la bulle d'alcool. C'est magique. C'est comme si je l'avais choisi pour ça. Un jour, je retiendrai que l'alcool, c'est pas pour toi. Tu sais, c'est comme quand ton ami végétarien, puis il faut que tu fasses à souper, tu sais, mettons. Hein. Puis il faut que tu te rappelles, tu sais. Que le bacon, c'est de la viande. C'est ça, exactement. Puis quel poisson peut être considéré comme une viande. Ouais, ça, ça dépend de chaque personne. Ça dépend, fait que des fois, c'est ça. Faut faire attention. Bref. Ben, moi, je goûte le chocolat noir. Moi, je le mets au complet. Toi, non, toi. Mange juste la bulle. OK, juste la bulle. Mais fais attention pour que ça te coule dans la face. Ben, il y a ça, là. OK, j'essaie. Hmm. Ça a pas marché. Ça a pas vraiment marché. Ça a cassé en deux. Mais, wow. C'est intense. Ben oui, c'est très alcoolisé, là. Mm. C'est... Oh, c'est comme chaud dans la bouche. Mais c'est fort en alcool, là. Mm. C'est donc bien bon, ça. Mais le chocolat est vraiment très, très bon. J'ai rien de faire le tour. L'alcool est puissant, mais ça te réveille sur un méchant temps. C'est parce que ce qui est bien, c'est que c'est du vrai bon chocolat noir. Mmh. Donc, tu le perds pas à travers l'alcool, j'imagine. Là. Absolument pas. Le chocolat est vraiment là, présent. Très, très foncé. Ça dit pas le pourcentage sur l'emballage, mais j'aurais l'impression que c'est un des foncés. T'sais. Ouais, bon. Je sais pas ça. Mais voilà, donc je mange mon tour. C'est fantastique, j'adore ça. Fait que si t'es pas dédaigneux, toi, il te reste l'alcool. Non, je vais y aller, crois-moi. Miam, Camille Bloch ou Camille Bloch? B-L-O-C-H. B-L-O-C-H, bon. Mais parce que pas Bloch là, pour mettre sur les joues, là. Important. Génial, très très très conseillé, ce chocolat noir avec insertion de cognac. Ou sinon... Garde-moi le morceau si jamais un jour je change de religion. C'est un reconverti. Parce que... C'est du 60% de cacao. Parce que d'ici octobre 2015, hein, la date de péremption, je vais probablement avoir changé de religion. Fort probablement même avant. Et tu pourras te garnir de ce voilà. Chocolat avec 60% de cacao. 60% d'alcool. C'est quand même un haut degré là, d'alcool. Bon, hey, Steph, il nous reste 4 minutes. On se dépêche parce qu'on fait un blitz de nouvelles. Ah ben oui, go. Nouvelle fast-food pour commencer. Coca-Cola qui va sortir une marque de lait. Hein? Le lait Fairlife Milk dans une autre catégorie de produits. Donc, c'est de la nutrition supérieure par rapport à laquelle vous pouvez vous sentir très bien. Donc, ça, c'est le Coca-Cola. Tu sais, qu'eux qui avaient de l'eau déjà, qu'on a annoncé un paquet d'autres produits. Donc, là, ils annoncent Fairlife, la première marque de lait cher, donc du lait de luxe. Le président de Coca-Cola North America a appelé ça la premiumisation du lait. Donc, nouvelle campagne pour ça. Ensuite, bientôt sur le marché de la Coors sans gluten. C'est la Coors Peak Copper Lager qui va être lancée à Seattle et à Portland. Coors Peak, donc Peak comme le sommet d'une montagne, une des plus grandes marques de bière au monde qui va sauter sur le train de tout ce qui est sans gluten. Miller's Coors. C'est bien. Oui, c'est très bien. Donc, une bière naturellement sans gluten, une version de la Coors normale qui va être vendue, comme je disais, à Seattle et Portland. C'est confirmé, ça s'en vient. C'est juste plate que ce soit une bière pas bonne qui soit sans gluten. Mais justement, est-ce que Coors et Coors Light, c'est pas la même chose? Hein? Je pense que nous, au Québec, on n'a pas vraiment de Coors pas light. Je pense que t'as raison. Je pense que c'est ça. Ensuite, Cadbury, je sais pas si t'as lu ça, mais a changé la recette de ses œufs cream egg. Quoi? Oui, ça fait la grosse controverse. Sacrilège? Sacrilège. Donc, ils sont connus pour leur chocolat très, très crémeux. Ils ont remplacé la coquille des cream eggs, c'est les œufs de Pâques. Ils ont changé ça, leur dairy milk, qui était utilisé avant, le dairy milk, comme la marque de chocolat qu'on connaît d'habitude, a été changé pour un mélange de chocolat et de cacao cette saison-ci. Donc, c'est plus du Dairy Milk comme la marque, mais plutôt du similaire à Dairy Milk. Selon un représentant de Kraft, là, on parle c'est sûr que j'ai pas la confirmation du Canada. Habituellement, l'Amérique du Nord, États-Unis et Québec, c'est pas mal la même chose côté produit. Donc, on parle des États-Unis. Il va y avoir en plus d'autres changements. 5 œufs par paquet à la place de 6, alors que le prix va rester le même. Ha! On descend complètement d'un œuf complet. Et puis, un demi, ça aurait été difficile, là. Il y aurait eu le crémage qui aurait coulé. Ah, ça aurait été parfait. Juste un petit contenant de crémage. Cadbury qui a défendu sa décision sur Twitter avec quelques petites blagues. Donc, quelle situation collante. Les coûts qui augmentent veut dire qu'on a changé nos emballages. Donc, c'est les vendeurs qui décident le prix final. Donc, les magasins décident du prix. Eux, ils ont décidé de garder le même prix alors que l'emballage a changé pour 5 au lieu de 6. Voilà, donc ils font des jeux de mots, puis c'est ça. Je sais pas si on voit vraiment la différence, mais moi, je sais que j'adorais le chocolat qu'il y avait autour de ça, donc j'en peux pas. Moi aussi, j'ai goûté un petit peu, j'ai acheté leur nouvel emballage des Cream Eggs, t'as vu ces deux petits onglets. En carton, mais c'est de la marre, ça doit être minuscule là-dedans. C'est plus petit que c'était, la grandeur des œufs Cadbury a vraiment réduit depuis quelques décennies, je dirais peut-être une décennie. Mais j'ai trouvé qu'il était bon quand même, j'ai pas vraiment remarqué la différence, quoique j'ai vu la nouvelle après avoir mangé mon œuf, donc j'ai pas pu comparer. Puis aussi le fait qu'il y a un effet de rareté, les œufs sont disponibles seulement pendant une période de l'année, qui est souvent genre 6-7 mois, tellement qu'il reste longtemps. Parce qu'il y en a présentement. C'est ça, il y en a présentement, puis c'est comme pas tellement Pâques. Mais on peut pas comparer avec les anciens, à moins d'avoir congelé un ancien œuf des années passées. Mais toi, t'en as pas encore dans ton frigo? Non, je les ai mangés. En fait, c'est vrai que j'en ai mangé beaucoup. Oui, les petits. Ils sont pas aussi bons, les mini. Non, c'est pas pareil. Ça goûte pas du tout la même surtout chose. Surtout qu'ils sont au frigo. En plus, ben ça, c'est meilleur. T'es obligé de les réchauffer avant. C'est bon. Non. C'est bon. Les œufs caramel aussi, sont vraiment bons. Très pas. Je les aime bien gros, ça. Et puis, on va y aller avec une dernière. On va sauter à ça. Les Oreos Red Velvet. Tu sais comment j'aime les gâteaux Red Velvet? Ça existe, ça, des Oreos Red Velvet? Oh, ça s'en vient. Édition limitée souvent seulement aux États-Unis. On va voir s'il va y en avoir ici un jour, probablement avec retard. Mais quand même, c'est donc édition spéciale Red Velvet Oreo Cream Cheese Flavored Center. Donc, un centre à saveur de gâteau au fromage. Et donc, c'est Red Velvet Oreo. Aussi simple que ça. Édition limitée. Pour la Saint-Valentin, ça va arriver en magasin aux États-Unis le 2 février pour une durée indéterminée et un prix qui va être comme, j'imagine, les autres hommages d'Oreo. Ouais. Sais-tu ce qu'on fait? Quoi? On s'achète un passeport, on s'en va à Plattsburgh et on achète tout ce qu'on n'a jamais vu. Oui, tellement! Puis on va chez Target, puis on va chez Starbucks, toutes les places qui sont fermées puis qui nous sont enlevées de nos mains. Mais j'aimerais mieux aller à des places que je connais pas. Ouais, c'est ça, exact. Ça te dérange pas. J'aimerais ça pouvoir... j'aurais dû avoir plus de temps pour les connaître. Mon beau Starbucks. On va aller Starbucks. Que j'aime tes scones. Voilà, c'est tout pour une grosse pointe à l'adresse. Le reste des nouvelles et un paquet d'autres affaires dans deux semaines parce qu'on fait cette chronique-là le mardi à 9h en rotation avec Master Steph. Oui! Yeah! Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Sur cette musique des années folles, eh bien, on va rejoindre Alex, mais pas Alex Dorval. Cette fois-ci, on va rejoindre Alex Auger du Temps d'une pinte. Salut, Alex. Salut, Denis, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, merci. Yes, fait que Alex nous a envoyé un collègue. Ouais, ben l'autre Alex, en fait, les deux, on est interchangeables, tu sais, sur toute l'équipe. Marketing événementiel, comme ça, on s'appelle tout Alex, c'est plus facile à gérer. Ah, ben oui, c'est clair. Tu veux tout avoir juste une étiquette aussi. Exactement, c'est ça, ça coûte moins cher par le reste. Génial. Mais sinon, moi, contrairement à Alex, tu sais, qui est directeur au Temps d'une pinte, moi, je suis responsable de la mixologie. OK. Fait que c'est plus ça que je suis venu vous présenter aujourd'hui, ce qu'on fait. C'est la mode en ce moment, la mixologie. Oui, hein? oui, vraiment. Mais ça a commencé, il y a quand même très longtemps, des origines un peu plus modestes, là, mais on voit vraiment comme un retour aujourd'hui. En fait, moi, je le sais d'où ça vient, mais explique-nous donc d'où ça vient, justement, ouais, la mixologie. Ben, moi, j'adore le début, tu sais, fait que, justement, ce qui a propulsé vraiment la mixologie, en fait, c'est la prohibition. Quand l'alcool, qui était, était moins disponible, celui qui était disponible était souvent moins bon, mais les gens ont commencé à le mélanger avec d'autres produits pour cacher la saveur un peu douteuse de cet alcool de prohibé. De certains alcools, oui. Puis, il y a certaines recettes qui étaient excellentes, qui ont été gardées. Puis, à travers l'histoire, il y a plusieurs vagues comme ça qu'on a changées. Puis, tu sais, il y a des milliers d'anecdotes super intéressantes aussi sur la création de ces cocktails-là. OK. Moi, un que j'aime particulièrement, c'est... en fait, tout le monde connaît le vodka jus d'orange. Le cocktail fameux... très, très, très classique. Mais en fait, un vodka jus d'orange servi dans des proportions définies porte le nom de screwdriver. Oui. Donc, tournevis en français. Puis, le cocktail s'appelle comme ça parce que, justement, pendant la prohibition, c'était super populaire chez les travailleurs de la construction. Parce que la vodka dans le jus d'orange, ben ça paraît pas. Ah, il pouvait le traîner. Exactement. Puis tout ce qu'il y avait pour le brasser, c'était un tournevis. OK. Puis le cocktail a gardé ce nom-là. Génial. Très, très bonne anecdote, ça. J'aime ça. Et puis sinon, d'autres cocktails comme ça qu'on connaît, des très, très classiques. Ah oui, tout le monde aussi connaît, mettons, le Dry Martini. Oui. Qui, en fait, lui, a été créé complètement par accident. OK. C'est, dans le fond, c'est préparé avec du dry gin et du vermouth, qui est un genre de vin fortifié, là. Puis, le vermouth, pendant les longs voyages en bateau, ça se conservait pas très très bien. Puis à un moment donné, il y a un capitaine qui a eu l'idée de le mélanger à peu près un tiers, deux tiers avec du gin, en se disant le gin va l'aider à se conserver pendant le voyage. Okay. Finalement, rendu à bon port, il a ouvert le baril, il a goûté, il a trouvé ça délicieux, puis ainsi est né le martini. Le dry martini. Génial. Et puis, les cocktails qui marchent pas mal en ce moment, justement, ça serait quoi? Parce que là, il y a un renouveau depuis quelques années. Là. Oui, ben, tu sais, je pense que c'est vraiment en deux phases aujourd'hui. On voit vraiment un renouveau vers des cocktails plus classiques. Et qu'est-ce que tu penses qui a ramené le cocktail, justement? As-tu une idée de ça? Oui, ben en fait, c'est toute cette approche plus moderne de la cuisine. Je pense que les gens sont beaucoup plus intéressés à foodies, cuisiner. Là. Oui, c'est ça. Ils sont plus intéressés à cuisiner à la maison, plus intéressés aux bons produits. Puis, ben, je pense que ça a vraiment été lancé par la bouffe. Mais okay. Les cocktails, ça accompagne tellement mieux la bouffe que ben, c'était juste une question de temps. Donc, ça suit. OK. Et puis, justement, qu'est-ce qui est populaire en ce moment comme cocktail? Toi, tu dois en faire assez souvent. Oui, là. Ben, oui c'est ça. J'en fais régulièrement autant d'une pinte. Mais qu'est-ce qui marche le plus en ce moment? On voit un retour vers les vieux cocktails classiques, assez courts, assez punchés, un peu dans le genre du martini, des cocktails qui auront presque pas de chaser, là, composés presque une qui nous viennent de Mad Men. Oui, oui, exactement. Mais ce qui est le fun, c'est de voir que partout à travers partout à travers la province et le monde entier, t'as plein de mixologues qui redonnent une twist quand même plus moderne sur ces vieux cocktails-là. OK. Puis, tu sais, on peut atteindre vraiment un autre niveau grâce à ça. Mais c'est des produits qui sont le fun à travailler parce que justement, ils mettent vraiment en valeur la liqueur qu'on met dedans. T'sais. Parce que, veux pas, quand tu prépares un cocktail avec 40 sortes de jus de fruits puis plein de sortes de pétillants, à un moment donné, tu perds un peu l'essence de. Ça devient un punch. Exactement. Et puis, justement, qu'est-ce qui est les plus populaires? Tu me dis les vieux cocktails, mais justement, qu'est-ce que tu sers le plus souvent? Mettons, je pense le cocktail. Ce qui est à la pointe de ça, vraiment, c'est le Old Fashioned. OK. Qui, donc, comme son nom l'indique, est un assez vieux cocktail qui a pris le nom, en fait, du verre dans lequel on sert, qui est un verre Old Fashioned, oui. Puis, qui est un cocktail préparé avec du whisky, traditionnellement, soit du rye, soit du bourbon, du sucre, un bitter, qui est une préparation de plantes macérées dans un alcool très fort, genre à 90 degrés, puis des oranges, des cerises. OK. Puis il y a comme un long processus de préparation très, très raffiné là, qui est derrière ça. OK. Mais on en voit plein de variations qui se passent aujourd'hui parce que souvent, en fait, tous les ingrédients qu'on va mettre dedans, comme le bitter, exemple, c'est normalement, c'est acheté, c'est fait du commerce. Oui, c'est ça. Deux sortes disponibles sur le faites par des grandes compagnies. Oui. Mais les gens commencent à en faire soit eux-mêmes ou soit à Montréal, on peut trouver plusieurs... des boutiques. Ouais, c'est ça, des genres de petits laboratoires, mettons, qui créent leur propre bitter expérimental comme ça. Fait que ça permet vraiment de... Ça, je disais tantôt quand je parlais de rehausser des cocktails classiques. Ben c'est ça, tu sais, les gens se l'approprient, puis ils rajoutent vraiment leur touche twist, dedans, comme tu dis. Et puis, toi, justement, puis tu dis les bitters, mais les sirops aussi. Est-ce que tu fais tes sirops? Est-ce que vous faites des sirops? Oui, ben en fait, autant d'une pinte, le concept, mettons, en général, c'est très, très homemade. T'sais, on brasse la bière sur place. C'est pour ça que je demande ça. Le café est tarifié sur place. La cuisine aussi, c'est le même principe, tout part de from scratch. Mais au bar, on veut faire, moi, je veux faire la même chose. OK. Fait que ce soit pour la limonade, le thé glacé, peu importe, je prépare tout des sirops maison. J'en prépare aussi différents, tu sais, pour le cocktail du moment, pour le shot du jour, des trucs comme ça. Oui. Puis sinon, ben, je fais aussi un excellent old fashioned, autant d'une pinte, là, la mode tu me donnes le goût d'y goûter. Puis je prépare aussi donc un bitter maison pour ça. OK. Que je prépare avec une grande variété d'aromates. OK, c'est toi qui le fais ton bitter maison. Oh, je le fais maison, génial. Bitter. Puis c'est ça, je le prépare avec une grande variété d'aromates, mais principalement des fleurs. Donc okay. Je l'ai amicalement baptisé le Flower Power Bitter. Oh wow, c'est génial. Justement, il donne un super bon punch aromatique, puis comme tous les bébés, ben, comme son nom l'indique, il fait bitter qui veut dire sûr, amer. Ouais, ben, c'est ça, il y a un côté amer qui est quand même marqué. Là. Okay. Mais il donne un super bon punch aromatique. Sinon, pour tout le reste du cocktail, qui est aussi ben, traditionnellement garni avec des cerises au marasquin. Oui. Ben moi, je déteste les cerises au marasquin du commerce. Je trouve ça complètement trop, indigeste. Ouais, puis, c'est ça. Trop c'est du sucre. Là. Ouais, c'est ça. Fait que en fait, je fais mes propres cerises confites aussi. OK. Donc, j'en prépare une batch avec amour par semaine au temps d'une pinte. Génial. Je l'ai garni avec ça. Question justement de que ça soit vraiment un cocktail entièrement fait au temps d'une pinte pour suivre le reste du concept. Mm-hmm. Génial. Et puis, est-ce qu'il s'en vient des événements qui mettraient le cocktail en valeur au temps d'une pinte? Bien, c'est sûr que là, on va avoir plusieurs bons spectacles qui s'en viennent. Oui. On a Jim Malinowski de Dead Coast, entre autres, le 15 février. Puis en tout cas... Je suis pas Alex Dorval, c'est lui qui est responsable de ça. Je me prononcerai pas trop sur les dates d'arrivée. Je pense un trio Jonathan. Ouais, il y a le trio Jonathan Turgeon qui est là le 6 février aussi, c'est vrai. Mais puis on a plusieurs autres bons, très gros bands là, qui s'en viennent. Mais je veux pas en dire plus que ça parce que je suis pas Alex Dorval. T'sais. Ok, c'est bon. Mais sinon aussi, moi j'aimerais ça justement faire des pairings avec ça, créer des cocktails exclusifs pour aller avec l'événement. Avec l'événement. des accords genre cocktail musique, là, si je peux me permettre de pousser ça jusque-là. Là. Excellent. Mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est ça qui est le fun avec le cocktail, c'est que vu que les ingrédients de base sont tout le temps disponibles, dans un bar, normalement, il y a une bonne variété d'alcool fort. Mm-hmm. Je peux me trouver aussi justement des fruits, je peux créer des sirops, des bitters, fait que je peux créer des recettes presque à l'infini. À l'infini. Je peux varier tout le temps quand ça me tente, je peux m'adapter à mes événements. Puis justement, si on parlerait d'invention, t'en as-tu un qui est... Que tu as fait justement ou qui s'en vient ou que tu, oui, que ben tu vas fait, faire, là, que, mettons aujourd'hui au 5 à 7 au temps d'une pinte. Pas aujourd'hui au 5 à 7, mais j'ai un projet que j'ai terminé hier, que je travaillais sur lequel depuis longtemps, que je viens de réussir à faire marcher, puis ça, j'étais très okay. content. En fait, tout le monde connaît bien, je pense, le Jägermeister aujourd'hui, oui. C'est un alcool qui est rendu très très populaire. Assez populaire. Mais oui. À travers divers procédés, j'ai réussi à gélifier du Jägermeister. OK. Donc, il prend une texture Jello. Solide. Là. OK. Puis en fait, ce que je fais, je prends des citrons, je les tranche en deux, je vide la chair dedans, puis là, je mets mon Jägermeister dedans, je laisse figer. OK. Puis après ça, je les redécoupe. Donc, j'ai l'apparence d'un quartier de citron. Génial. Complètement. Puis la pulpe de fruits, qui normalement serait surette et pas. Tellement trop bonne, tu sais. Mm-hmm. Finalement, c'est du Jägermeister. Fait que là, c'est vraiment bon, puis vraiment pas tant surette. Wow, des bons trucs et des bonnes idées. Puis sinon, est-ce que tu peux nous dire quelque chose de nouveau ou quelque chose? Moi, ce serait pas mal ça. Je travaille sur un autre projet aussi là, qui me tient beaucoup à cœur. J'aime beaucoup, beaucoup le bacon. Ouais. Dans la vie. Je sais pas, tu parles gens, à un bacon freak ici, là. Puis j'essaie, tu sais, j'en ai vu quelques variations. D'autres gars qui en ont fait des cocktails, justement, basés sur ce genre de set de saveurs-là. OK. Mais souvent, justement, ça utilise du bacon en tant que tel. Ça donne des cocktails assez lourds, assez gras, tu sais. Puis en fait, moi, mon plan, je voulais faire fumer de l'eau. OK. Donc de l'eau, fumée à froid, pour qu'elle prenne justement comme un. Le petit goût de fumée. Le goût de fumée typique du bacon. Oui. Ensuite, la gazéfier. Donc là, j'aurais un genre de club soda fumé. Puis avec un assemblage de liqueur à l'érable, je pourrais créer un sleazy oh, wow. maple bacon drink. Comme du bacon à l'érable un peu. Exact. C'est mon prochain projet, c'est ça qui s'en vient. Là. Génial. Ça, c'est vraiment intéressant. J'ai le goût d'aller goûter. Puis tu viens, justement, étant donné qu'on est dans la bouffe, puis tantôt tu l'as dit aussi, cocktail, accord, cocktail, nourriture, tu pourrais-tu nous en parler un peu plus? Parce qu'on est moins habitué à ça. On est habitué avec le vin, avec la bière. Oui. Cocktail, nourriture, les accords. Ça suit à peu près les mêmes règles. Par okay. exemple... Si on veut prendre un poisson grillé, oui. un pavé de saumon grillé, traditionnellement, on va mettre ça avec des vins blancs qui sont vifs, qui sont frais, mm-hmm. qui ont une belle acidité. Un peu la même chose du côté de la bière. On va aller des bières, mettons plutôt des blanches ou des saisons, des bières acidulées ou fruitées. Oui. Ben, on va faire la même affaire avec le cocktail. OK. T'sais, genre exemple, mettons le premier exemple comme ça. Qui te vient, ouais. J'ai une excellente liqueur que j'utilise beaucoup au temps de pain qui s'appelle de la mandarine Napoléon. Oui. Qui est une liqueur faite à base de mandarine et de cognac. Ça... Un petit peu de dry gin, un petit peu de glace, une touche de club soda pour l'allonger. Puis t'as un super bon pairing avec justement comme poisson grillé, tartare de truite, tous ces trucs-là. Puis il faut juste que tu suives justement l'assiette qui est devant okay. toi. T'sais. Même affaire, si je veux pairer ça avec, exemple, une côte de bœuf, ouais. je vais aller pour un cocktail qui est plus hearty, avec des notes plus fumées, plus terreuses, pour aller justement aller en parallèle avec l'assiette qu'on a. C'est le même principe qu'on fait avec le vin ou la bière. Bon, ben là, il va falloir aller te rencontrer au temps d'une pinte. Absolument. Je suis là 5 soirs par semaine. C'est ça, je m'en ai dit, t'es-tu là souvent? Oui, ben peut-être pas 5 soirs par semaine, je suis là 5 jours fois ou soirs par semaine. Okay. Là, mais il y a moyen de me poigner assez facilement là-bas. OK, fait que c'est toi le spécialiste de la mixologie là-bas. Exactement. Et puis si quand t'es pas là, y a-tu moyen de se faire un drink quand même? Oui, ben oui, absolument. Mais ça sera pas le chef ben, des drinks. Ben c'est ça, ben tu sais, en fait, le mixologue, mettons, est un bar, ce que le chef est une cuisine. T'sais, moi, j'essaie de créer des nouvelles recettes. Tu peux les donner à ta gang. Ben, c'est ça, tu sais. Puis j'ai une super bonne équipe de barman passionnés là-bas qui sont tous, à mon avis, des talentueux excellents barman. En plus, là. Fait que, tu sais, je suis sûr qu'ils sont capables de réaliser plein d'excellents cocktails aussi. Bon, ben, Alex Auger, merci beaucoup. Merci à toi. Puis on va aller vous voir au temps d'une pinte. Rappelle l'adresse parce qu'on le sait. 1465 rue Notre-Dame-Centre, Centre-Ville, Trois-Rivières. Yes, merci beaucoup, Alex. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. C'est le moment d'accueillir Laurent Constantin et comme on l'a dit en début d'émission, de visser le globe terrestre, le globe en concentré, si on veut. I used to own this town. Now it's all turned upside down. I wish I could figure out. Bonjour Laurent Constantin. Bonjour Mathieu Plante. Ça va bien. Ça va bien, toi aussi Stéphanie. Ça Paradis. Va très bien, même mieux que Mathieu Plante. Même mieux que Mathieu Plante. Ah, ben, mais si on regarde la vie en général, t'es toujours pas mal meilleur que Mathieu Plante, en tout cas, dans ta tête. Parce que t'étais en train de dire que c'est une blague, c'est juste une blague. Oui. Mais je pense que... Et que c'est agréable. Ouais, c'est agréable. C'est ouais, le fun. Ben, je voulais pas savoir qui était le meilleur, seulement si le moral était là. Ah oui, non, mais le moral est là, par contre. Le moral est là. Mentalement, parfait. Je suis là, c'est physiquement. D'accord. Et d'habitude, c'est quand même spécial. D'habitude, c'est le contraire. C'est ça, exactement. On est là physiquement, mais pas l'esprit. Mm-hmm. On fait n'importe quoi, finalement. Donc, tu es là de corps et d'esprit, malgré tout. Voilà, malgré tout. Mais parce que je voulais absolument entendre ta chronique ce matin. Ah, c'est j'aurais gentil. J'aurais jamais manqué ça. Mais donc, justement. T'aurais pu ouvrir la radio. Ouais, aussi. T'aurais fait comment pour animer sans moi, donc? J'aurais pleuré dans un petit ouais, coin. C'est ça. T'aurais allumé tous les boutons sur la console en espérant que quelque chose fasse que t'es oui, en onde. Probablement. C'est pas mal ça. Donc, Laurent, ton sujet d'aujourd'hui dans le Globe en concentré, mais qu'est-ce que c'est, ma foi? Bien, ça s'introduit comme si le roi est mort, longue vie au roi. Ah, OK. Donc, je m'en viens vous parler de l'Arabie Saoudite. Ah! Oui. Wow! Est-ce que vous avez vu ça dans les médias dernièrement? Donc, le 23 janvier 2015? je ne consulte pas les médias. Ouais, c'est ça. Ah. On est pas mal le seul média qu'on consomme. On se consomme nous-mêmes. C'est ça, donc non, ça vaut pas la peine de nous demander ça. J'ai lu la dernière édition du Zone Campus et non, malheureusement, on parlait pas de la mort du souverain d'Arabie Saoudite. Aucune mention, hein? Ouais, ben je pense que c'est comme... il était parti à l'impression avant que ben ça oui, arrive, là, ça. Malheureusement. Il y a probablement de la censure, sinon, là, peut-être, mm-hmm. hein? Ah, peut-être. On nous empêche de publier les vraies nouvelles. Ouais. Non, c'est pas ça nous concerne pas du tout dans un campus, mais ça nous concerne dans la vie de tous les jours parce que nous, on n'est pas au courant des grands médias mm-hmm. et on veut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Parce que j'ai entendu ça que quelqu'un est à bord. C'est pour ça que je viens vous en parler. comme tu dis, je m'en viens visser votre globe terrestre. Tu vois mm-hmm. comment c'est intelligent. Donc, le 23 janvier 2015, l'ancien roi, donc Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, est décédé. Donc, il était quand même je voudrais dans la 80 ans. Je ne voudrais pas qui est pogné pour graver l'épitaphe, moi. Et le nouveau roi, lui, se nomme Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Sal, donc. Ouf. On l'appelait Sal. Al Saoud. Ouais. Mais bon, là, je me suis dit, pourquoi ils ont tout le temps le même nom? Je peux pas penser que leur nom de famille fait genre 8 mots, là. Je me suis rendu compte que dans la langue arabe, le mot Ben, Ibn, Biz, peu importe, là, il y a comme un petit 2 ou 3 lettres tout le temps, ça veut dire fils de. Ah, ben oui. Donc, finalement, ça veut dire Salman, fils de Abdelaziz Al Saoud. Okay. Donc, ce nouveau roi-là, c'est pas un jeune pimpant fringant, il a 79 ans. Donc, on remplace un gars mort par un gars presque mort. Oui. C'est un peu le même principe que les papes. Oui, on dit qu'il est plus jeune que son prédécesseur quand il l'a remplacé, là. Quand il est devenu roi. Puisque le précédent roi avait été roi 10 ans, donc de très vieux jusqu'à sa mort. Donc, on peut dire qu'à 79 ans, on n'est pas ouvert à différentes réformes, donc on n'est plus ouvert à ça. Et sa principale force, on dit que c'est la continuité qui l'incarne. Oui, carrément. C'est le statu quo. Donc, quand on est vieux, on est peut-être moins sujet à plein de changements, là, réformer l'État au grand complet. Oui. Donc, il va demeurer, justement, ça va demeurer un État pétrolier, un État allié des États-Unis. Donc, pour vendre, justement, le pétrole avec les armes, ces choses-là, une certaine protection aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir exactement sur l'Arabie Saoudite? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce mouvement-là? Donc, je vais commencer par vous parler de qu'est-ce qu'il faut savoir sur les monarchies dans le monde. Ah, bonne idée! Oui, parce que c'est une monarchie. Des monarchies comme il s'en fait pratiquement plus. Donc, des monarchies absolues. Avez-vous déjà entendu parler de ça, le terme monarchie absolue? Non, jamais. Non. Eh bien, celui qui personnifie le mieux, si on peut dire ça, c'est le roi Louis XIV, le roi de France, qu'on disait le roi soleil, là. Que tous ses sujets étaient à ses pieds. C'est lui qui prenait toutes les décisions. Il n'y avait pas de premier ministre ou de gouverneur. Là, c'était lui que tout le monde venait voir en France pour avoir une décision, une petite signature, un petit entretien. Là, tout passait par lui. Tout transigeait par lui, ouais. Ça peut dire. Donc, des monarchies absolues, comme il en existait au 18e siècle, il n'en existe pratiquement plus. Donc, on peut parler de l'Arabie Saoudite, du Brunei, de l'Oman, du Swaziland, du Vatican, oui, ou du Qatar. Donc, ce sont des monarchies, on vous donne un petit peu le portrait, ce sont soit des pays la péninsule arabique, justement du Moyen-Orient, ou des pays d'Afrique, où, bon, c'est un peu des rois tribaux, là. Vatican, c'est quand même un roi élu, là, mais élu par un certain nombre restreint de personnes. Un club sélect. Un club sélect, on peut dire ça, tout à fait. Assez sélect. Il est nommé par les personnes qui avaient été nommées par le précédent. Bref. Bref, ça va tout le temps rester dans le même petit groupe fermé. Faut avoir des contacts, des chats. Ouais, des VIP. Des chats. Very important poops. Mais des pays monarchiques, pas nécessairement... Ouais, c'est spécial, ça. Des pays monarchiques, pas nécessairement absolus, ça, il y en a à peu près une quarantaine de pays. OK, wow. On parle, ben, c'est sûr, on peut partir du Canada. Le Canada, okay, est considéré comme une monarchie. Parce qu'on a la reine notre monarque aussi, et la reine d'Angleterre. Ben, on peut même l'appeler la reine du Canada, puisque c'est dans son titre, vraiment, depuis 1982. Reine de Grande-Bretagne. Et reine du Canada, reine d'Australie, reine de Jamaïque, reine de tout le Commonwealth. Sûrement écrit en plus petit, parce que c'est moins important pour elle. Des petits caractères. Ouais, ouais. Note de bas de page. On donne pas son titre au complet à chaque fois. Ouais. On peut parler de la Belgique, c'est un pays monarchique. Il y a le roi qui habite à Bruxelles, qui n'a plus autant de pouvoir qu'il en avait. En fait, il n'a jamais eu autant de pouvoir que par exemple le roi Louis XIV, là, le roi de Belgique. Bon, on s'entend pour dire que rendu là, c'est un titre qui vaut juste rien. Mmh. Ouais, c'est ça. À part la notoriété. Hein. Il est là, il est le chef de l'État, c'est lui qui fait dans des missions étrangères des fois, mais principalement c'est le premier ministre, le président, peu importe, qui dirige le pays. Okay. Mais ça, il est sur l'argent quand même, j'imagine, aussi. Tout le monde met son roi sur l'argent, j'imagine. Peut-être pas en Belgique, puisqu'ils ont l'euro. Ouais, c'est particulier, c'est ça. Ça pourrait être compliqué. Compliqué. Tu veux-tu que j'embarque là-dedans? Non. Et aussi, bon, des pays comme les Émirats Arabes Unis, qui, ça, c'est plus un regroupement de royaumes qui se mettent ensemble pour être plus forts. Comme ce sont des émirs plutôt que des rois. Ouais. Donc, voici les monarchies dans le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir exactement sur l'Arabie Saoudite? Donc, c'est le plus grand pays du Moyen-Orient avec 2 millions de kilomètres carrés. Donc, il abrite pratiquement toute la péninsule arabique, là. La péninsule arabique, là, si vous n'avez pas de carte du monde, vous vous demandez c'est où, là. Grossièrement, là, c'est entre l'Égypte et Israël. Okay. C'est comme un peu une grosse roche entre les deux, entre l'Afrique et l'Asie, ça veut dire. Entre la mer Rouge et le golfe Persique, si ma mémoire est bonne. Mm-hmm. Tu vas loin, là. Donc, c'est le plus grand pays du Moyen-Orient, comme je disais, avec 30 millions d'habitants aussi. 30 millions d'habitants, c'est pas tant que ça, c'est considéré à peu près comme le Canada. Le Canada, on est environ 33-34 millions. Mm. On s'entend, c'est pas la même superficie, là. Ouais. Non, pas du tout. C'est ça, c'est beaucoup plus petit. C'est plus concentré, eux autres. Beaucoup plus petit, mais il y a beaucoup de déserts, donc les gens sont concentrés à certains endroits. Déserts de famille. Comme je disais, c'est une monarchie absolue. C'est un pays qui est indépendant du protectorat britannique depuis 1932. Donc, protectorat britannique, ça veut dire que c'est à peu près une colonie, mais pas vraiment. C'était juste que les choses étaient gérées par les Britanniques. Ils leur protégeaient de façon armée, de façon économique. La capitale du pays, Riyad. Les villes importantes, La Mecque et Médine. Donc, ce sont les deux principales villes saintes de l'islam. Donc là où Mahomet est allé de Médine jusqu'à la Mecque, là, avec... bon, je connais pas l'histoire complète, là. Je m'appelle, il y a un mot qui s'appelle l'Égir. Ça veut comme un peu notre exode, là, un peu dans... Il y a eu des révélations, là, puis c'est entre ces deux villes-là, principalement, qui s'est promené pour en parler, pour influencer les premières personnes qu'il a rencontrées. L'économie, l'Arabie Saoudite, on la reconnaît surtout pour son pétrole, pour l'exploitation du pétrole. Donc, c'est un membre de l'OPEP, donc l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Donc, en 2013, les revenus des exportations pétrolières, donc pétrole brut et dérivés du pays, s'élevaient à 312 milliards de dollars. Ouais. Ce qui est quand même considérable pour, quand on fait le calcul, de 30 millions de personnes, 312 milliards de dollars en un an. Ouch. Donc, c'est beaucoup. Tandis qu'il y a aussi un secteur manufacturier qui est quand même assez bien nanti, avec 56 milliards de dollars en exportation. Mm-hmm. Donc, au fil des années, la part des exportations de pétrole dans le PIB a baissé, passant de 34 % du PIB à 21 % du PIB. Mais on se demande, le secteur manufacturier, c'est quoi finalement exactement là-bas? Ben, c'est surtout lié à l'économie de pétrole aussi. C'est l'industrie pétrochimique. Donc, tout ce qui est plastique, vaseline, etc. Là, tout ce qui est fait à partir de pétrole. Ouais. T'as jamais vu ça? Tu souris, Mathieu, mais t'as jamais vu ça sur un pot de vaseline, genre gelée de pétrole? Fait comme de la gelée de pétrole, qu'est-ce que c'est ça? Non, je souris parce que j'aime pas la texture de la vaseline. J'aime pas ça. Ben, c'est correct. Je suis comme ça, ça a rien à voir. Utilise-en le moins possible. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Mm-hmm. Ben, vous utilisez ça pour quoi? Dans la vie, ouais, tu fais quoi avec ça? Mais parce que, honnêtement, à un moment donné, tu t'en vas t'acheter des cure-oreilles. Mais t'avais des items gratuits qui étaient comme collés sur la boîte. T'avais soit un vernis à ongles rose, puis un pot de vaseline. Puis là, je me demandais lequel serait le plus utile. Ouais. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait dans la vie avec la vaseline? Mm-hmm. Puis je me suis rendu compte que tout le monde a ça chez eux. Tous nos parents ont ça. Mais. On sait pas quoi faire avec. Ben de mémoire de jeune homme, là, mon père me disait. Nous autres, on n'avait pas de lapis quand on était jeune, fait qu'on se mettait de la vaseline, c'est là. Fait que quand j'étais jeune, j'étais saoul, il n'y avait pas de lapis là. C'est ça que j'ai fait finalement. Okay. Un dos dans vaseline, C'est ça que j'ai fait finalement, mais j'ai aucune autre utilité à ça. Voilà. Protège-toi. Parenthèse de vaseline. Bon. Donc, pour revenir à l'économie de l'Arabie Saoudite. Oui. Dans le même sujet. Tout à fait. Donc, c'est la 19e économie mondiale, ce qui est quand même considérable pour un pays de 30 millions d'habitants, qui est quand même pas dans une zone super aisée. Il y a beaucoup d'inégalités sociales, c'est faut le dire, mais à titre comparatif, le Canada est 10e. Et comme la 10e économie mondiale, on peut dire qu'on fait partie du... Même si on est dans le G8, là, G7, on est le 10e, je dis. Donc, 19e économie mondiale, ça se situe entre, disons, les Pays-Bas, qui est 18e, et la Suisse, qui est 20e. Donc, des très petits pays, mais qui sont très, très riches et puissants. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la famille Saoud? Parce que oui, si on appelle ça l'Arabie Saoudite, c'est parce que c'est la famille Saoud. Ah, ben oui, je l'avais même pas vu, ça. S-A-O-U-D. Mm-hmm. Saoud. Donc, Shawinigan Saoud. Al-Saoud. C'est de là que ça vient, ça. Shawinigan Saoud. probablement, là, il doit avoir une ambassade à Shawinigan Saoud. Oui, j'en doute pas. Donc, c'est une famille qui est existante... si on peut dire depuis 1744, là, je pourrais dire avant, mais qui règne sur un certain état seulement depuis 1744. Donc en 1744, le premier état saoudien a été constitué, justement, où il y a eu un premier roi. Ça a été quand même des périodes assez instables. Donc ce royaume-là a existé jusqu'en 1818. Le deuxième royaume a existé de 1824 à 1891. Et bon, mais entre-temps, il y a eu différentes guerres, différentes vagues de colonisation des Britanniques et d'autres pays qui ont essayé de prendre le pouvoir de la péninsule arabique. Et finalement, fondé le 22 septembre 1932 par la fusion de différentes provinces. Donc, Abdelaziz Ben Abderrahman Al-Saoud. Abderrahman Al-Saoud, c'est son qu'on peut finalement diminuer par Ibn Saoud, en devient le roi. En 1932. Les guerres ayant permis l'accession au pouvoir d'Ibn Saoud ont fait 500 000 morts entre 1901 et 1932. Donc, il y a eu beaucoup de tractations aussi durant la Première Guerre mondiale. Là, l'Empire ottoman, qui est comme l'Empire turc, si on peut dire, autour d'Istanbul, qui couvrait, si on peut dire, de l'Empire soviétique jusqu'à l'Europe. Une grande partie de l'Asie, qui recouvrait une grande partie de l'Asie, voulait aussi la péninsule arabique, mais il y avait un pouvoir qui était fort... au niveau de la famille Saoud, pour protéger cette région-là du monde. Donc, il y a eu quand même différentes batailles, et ils ont réussi en 1932 à prendre le contrôle. Donc, le premier roi saoudien en 1932, je viens de dire son nom, mais je vais quand même le répéter, Abdelaziz Ben Abderrahman Al-Saoud, je l'ai bien eu cette fois-ci, a été roi jusqu'en 1953. On a reçu à l'échantillonner au montage, puis tu pourras le recopier. Et ce qui est particulier de cette monarchie-là, c'est que normalement, quand on est roi et on meurt, qui devient roi à notre place? Notre fils. Si t'as pas de fils. T'as pas de fils? Ouais. T'as pas de fille? Non. Faut que t'ailles retirer Excalibur de la roche. C'est une excellente option, mais c'était quand même son fils, justement. Ouf. Ah, écoute, j'en parlerai pas de la légende arthurienne ce matin. C'est pas une légende. Ça allait vraiment exister. C'est vrai. C'est bon. Non, en Arabie Saoudite, ils ont comme pas compris vraiment le concept de genre enfant. Là. Donc, c'est plutôt les frères et les demi-frères. Demi-frères. Le premier, c'était le papa. Et ensuite, ce sont les enfants, mais frères, demi-frères, parce que Le premier que je vous ai nommé, là, bon, si je réussis pas à le dire, vous l'échantillonnerez. Abdelaziz Ben Abdarrahman Al Saoud. Lui, il s'est marié et divorcé environ 17 fois. Si mes sources sont bonnes, là, 17 fois. C'est encore pire qu'en 2008. C'est pas pire que Larry King. Oui, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ça arrive. Et il y a eu environ au moins une trentaine de fils. Ouais. Sans compter les filles. Faut jouer à courte paire pour déterminer le gagnant ou faire une loterie. C'est le plus vieux. Donc, ouais, le plus vieux peut-être. Le plus vieux a régné. Ensuite, on a eu le deuxième, le troisième. À un moment donné, hop, le dixième, le quinzième. Et là, celui qui règne actuellement depuis le 23 janvier, c'est le 25e fils. Ah. C'est pour ça qu'il a 79 ans, genre, qui est ultra vieux. Ils ont pas choisi de prendre... un petit-fils? Non, non, non, non, on va continuer encore dans la même lignée. Il nous en reste un en arrière. On va-tu prendre un autre frère? Oui, oh, j'existe. Donc, à 79 ans, il est toujours vivant. 25e fils. Donc, c'est une structure de succession qui est faite comme ça. Peut-être qu'ils vont décider un moment donné de changer ça. Ils n'auront pas le choix parce qu'il n'y en aura plus de fils. Je ne m'en rappelle plus s'il y en a d'autres en vie encore. Mais le changement dans ces endroits-là, ouais, c'est pas nécessairement quelque chose qui se passe bien vite. Hein. Non, c'est parce que même le roi actuel, s'il veut nommer ses fils, ben, il y a encore des fils au pouvoir parce que lui aussi, il y en a une tralée, il faut dire. Mais il y a deux de ses fils qui sont déjà décédés justement plus jeunes. Fait qu'on se dit, ben là, c'est un drôle de roi. Là. Ouais. Il y a même plus de succession parce que sa succession était trop vieille. Sa succession est un échec, Yon. Hein? C'est... Mm-hmm. Succession. Un échec, Yon. C'est le... Ouais. Donc, c'est ce que je suis venu vous parler, notamment de la famille Al-Saoud, du royaume d'Arabie Saoudite et des différentes monarchies dans le monde. Donc, c'est un pays... fera pas plus de vagues comme on en faisait. C'est un pays qui veut, si on peut dire, toujours créer la cohésion dans les pays musulmans, les pays de l'islam, en finançant aussi chacune des organisations de l'islam. Là, des fois, on entend des histoires qu'à Montréal, il y a des mosquées ou des écoles qui sont financées par l'Arabie Saoudite. Oui, ça existe. Okay. C'est cette monarchie-là qui finance des trucs musulmans à travers la planète, à travers le globe. Peut-être pas tout le temps dans une bonne vision, parce que une fois qu'ils sont financés, après, bon, ben, ils vont peut-être pouvoir avoir certaines visions ou une autre. Là. Il y a différentes influences mondiales. Il faut arrêter de penser que l'islam, c'est un bloc monolithique. Là. Il y a différentes chicanes. Donc, si on peut dire, l'Arabie Saoudite, disons, va être pour le règne de l'Égypte et contre celui de la Syrie. Il y a une géopolitique à l'intérieur même de ces pays-là. Et quand les États-Unis débarquent, ils font comme « Non, non, non, non, attendez-vous, nous autres, on va faire notre propre histoire, là, on fait le ménage. Let's go! » C'est le même. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes au Moyen-Orient. C'est pas juste parce que ils s'entendent pas avec l'Occident, c'est parce qu'ils s'entendent pas entre eux, premièrement. Ah. Ouais, ben Colin, encore une fois, on a appris des tonnes de choses, beaucoup trop comme à chaque fois. On a de la misère à tenir tout ça, une chose qu'il n'y a pas l'examen à la fin de ta chronique. Surtout le nom des gens. Du roi. Ah, retenez juste Al Saoud, puis c'est parfait. Oui. Ouais, le nouveau, là, Al Saoud. C'est ça. Le nouveau jeune depuis 1932. 1744, peu importe. C'est le nouveau Al Taouk, là, tu sais. Faut retenir comme faut les affaires. Bon, j'ai déjà oublié la cause du Taouk. C'est ça. Ça va avoir une pute qui va jouer de la Taouk tantôt sur tout pour vous le roi souverain de la rue des Forges. Angle de la Terrière. Ouais, c'est ça. Ouais, le Taouk de Shawinigan Saoud. En tout cas. Merci Laurent Constantin. Toujours un plaisir de venir parler d'actualité internationale. On aime ça. C'est le fun de se renseigner toutes les semaines, les jeudis à 7h30. Mm-hmm. Laurent Constantin, ça s'appelle Le Globe en concentré. Ouais. Merci Laurent. C'est un plaisir. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Ça ne doit pas arriver souvent que les policiers retrouvent ça, mais ils retrouvent ici deux tanks parmi des marchandises volées. C'est la police qui a fait une étonnante découverte à Sao Paulo mardi dernier. Au cours d'une opération destinée à récupérer des marchandises volées, la police brésilienne de Sao Paulo a eu la surprise de découvrir deux chars de l'armée dans un dépôt de la zone sud de cette ville. Donc, selon un communiqué diffusé mardi par la police, dans le dépôt de marchandises volées se trouvait également un conteneur rempli environ avec 500 postes de télévision neufs. Pourquoi pas? Mais aussi un camion grue, diverses pièces automobiles ainsi que deux chars de l'armée, donc deux tanks. Selon la police, le propriétaire du dépôt a déclaré qu'il louait le local à une personne et qu'il ignorait ce que celle-ci y entreposait. Une personne a été arrêtée pendant l'opération et tous les objets ont été saisis par la police. L'armée a fait savoir qu'elle avait vendu aux enchères ses deux chars de guerre qui ont été retrouvés dans le dépôt sans moteur. Un qui était sans moteur, selon le communiqué de la police. Donc, 500 télés neuves. Ben oui, pourquoi pas. Ça, c'est toujours drôle, ces nouvelles-là. L'ombre d'un homme photographié sur Mars. Une photo prise en 2012 par le robot d'exploration Curiosity sème un grand trouble. On pourrait en effet y apercevoir distinctement la silhouette d'un être humain. Ben oui, on peut regarder, mais ça peut être n'importe quoi. Donc, l'actualité est décidément très dense sur le sol de la planète martienne. Plus une journée ou presque ne se déroule sans que l'on signale un nouveau phénomène qui attesterait la présence d'êtres vivants. Cette dernière observation en date, c'est l'hypothèse présence d'un dôme. OK, ouais. Ça, c'était hier. L'hypothétique présence d'un dôme d'une base souterraine devenue à la surface de Mars. Mais depuis mercredi, c'est un phénomène encore plus spectaculaire qui a été signalé. C'est la présence possible d'un homme sur place. Eh bien, le cliché remonte à 2012 et a été pris par le robot Curiosity. Comme souvent, il a fallu un long délai avant que la trouvaille ne soit effectuée par l'un des passionnés d'ufologie qui scrute le moindre détail et toutes les nombreuses photos diffusées par l'agence spatiale américaine. Sur la photo concernant l'occurrence, on distinguerait formellement la silhouette d'un homme penché sur le robot d'exploration Curiosity comme s'il effectuait des réparations. D'après la personne qui a signalé le cliché sur le site d'ufologie UFO Sighting Daily, l'homme serait tête nue. J'avoue que ça a l'air de tout ça. On y distinguerait même ses cheveux et équipé d'une bouteille d'oxygène dans le dos. Pour les animateurs du site web, eh bien, trois hypothèses peuvent être formulées. Soit Curiosity ne serait pas sur Mars, mais plutôt sur la Terre, servant les besoins de la propagande de la NASA. Soit Curiosity serait bien sur Mars, accompagné d'hommes installés dans des bases d'aliens désertées. Soit des aliens d'apparence humaine auraient pris possession du robot. L'hypothèse peut être légèrement plus rationnelle et la présence d'un équipement atypique ou d'un cas de pareidolie, en revanche, qui n'est pas évoqué. Un cas de pareidolie qui n'est pas évoqué. Ça, je comprends pas trop c'est quoi, mais j'avoue que sur la photo, ça semble ça. Vraiment. Mais de là à savoir, hein? Et puis même où l'ombre tombe, là, on dirait presque que l'homme a des lunettes en plus. Hein? Fait que faites-vous votre idée. Moi, je pense, si c'est vraiment la silhouette d'un homme, je pense plutôt que Curiosity ne serait pas sur Mars. Mais ça, ça me surprendrait beaucoup, là, parce qu'à un moment donné, canular et demi. Hein? Ici, ça, c'en est un canular, une personne qui est lui-même un canular. Il s'appelle, je ne sais pas comment il s'appelle pour vrai, là, c'est Rodrigo Alves. Mais bon, il se prend pour le Ken humain. Il dépense plus de 250 000 pour ressembler à la poupée de plastique. Accro à la chirurgie esthétique, eh bien Rodrigo Alves a déjà investi 200 000 $ pour ressembler à la poupée Ken commercialisée par Mattel et sa quête vers la plastique idéale aurait pu s'arrêter avec ses 30 chirurgies corporelles, mais l'homme de 31 ans, atteint de dysmorphie corporelle, a décidé de repasser sous le bistouri encore une fois. Le Ken humain, donc, qui a enduré 3 rhinoplasties, une liposuction du menton, une liposuction des jambes, des injections de Botox et de collagène, une liposuction générale et qui a reçu des implants dans les bras, des implants au mollet, des implants de pectoraux et des implants au niveau des abdominaux, ira corriger quelques-unes de ses chirurgies lundi prochain. Durant l'intervention, le Brésilien se fera refaire le nez, corriger le contour des yeux, se fera recoller les oreilles et il fera également agrandir sa bouche. Il aura une greffe de cheveux en plus d'une autre liposuction. Le coût total de ces opérations s'élève à plus de 50 000 $. Rodrigo Alves, qui se considère comme un perfectionniste, avoue à The Mirror qu'il ne s'arrêtera pas là. « Je suis un perfectionniste. Quand je commence, il est difficile de m'arrêter. Comme il associe la beauté à la symétrie du corps et de son visage, il espère enfin qu'il atteindra l'équilibre parfait. » Peut-être physiquement, mais dans ta tête, mon gars, c'est passé date l'équilibre. Il n'est plus là pantoute. Bye-bye. Celle-là ici, hein, celle-là aussi, une autre particulière. Hein? Toujours célibataire à 40 ans, elle se marie avec elle-même. Ben oui, Yasmin Helleby, ou Helleby, avait fait un pacte avec elle-même à ses 38 ans. Elle s'était promise de s'épouser si elle n'avait pas trouvé le bon à son 40e anniversaire. C'est ce qu'elle a fait, rapporte le tabloïd anglais Le Métro. Donc, la nouvelle mariée de Houston, au Texas, a décidé de s'unir à elle-même pour commencer l'année 2015 durant une touchante cérémonie auprès de ses proches. Moi, j'aurais été crampé tout le long, mais bon. C'est sa mère qui marchait à ses côtés dans l'allée lors de l'insolite événement mené par sa sœur qui est ministre du culte. L'Américaine a choisi de briser toutes les conventions et de ne pas opter pour la robe blanche. Malheureusement, ce type de mariage n'est pas légal aux États-Unis. Elle tenait tout de même à officialiser son amour avec elle-même. Elle est stupéfaite de tout le support qu'elle a reçu sur Facebook depuis son union. Mais moi, je vais juste dire « je ris de toi ». Et là, il y a quelqu'un, mais quelle bonne idée, au moins elle ne risque pas de se faire avoir puis de perdre la moitié de ses avoirs en plus de payer une pension alimentaire. Ça, c'est brillant, je pense que je vais faire pareil. Ça, c'est des commentaires de certains internautes. Là, il y a un, je sais pas si c'est le vrai, mais il y a un Stéphane Dion qui dit « Ce n'est pas une première Jean-François Lisée à inventer le concept il y a longtemps. J'espère qu'elle s'est désignée comme seule héritière de ses biens. » Autre commentaire. Il y en a un qui se dit être Karl Marx. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et là, ça continue comme ça. Moi, en tout cas, je ris de toi. Tu sais, tu peux t'aimer, là, c'est correct. Mais de dire, faire le geste, je me marie avec moi-même, faut vraiment que tu aies un problème entre les deux oreilles. Le résultat surprenant, parce que, tu sais, je veux dire, on n'est pas obligé de se marier dans la vie. C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Tu sais, c'est pas un but en soi, là. C'est pas une finalité. C'est peut-être un but pour certains, mais c'est pas une finalité, hein? Ici, il y a le résultat surprenant d'un homme qui demande à ses ex de l'évaluer via l'application Tinder. Un jeune homme a eu la brillante idée de demander à ses ex de l'évaluer sur Tinder pour susciter l'intérêt des utilisatrices de l'application de rencontre. Il s'appelle Jake Chapman. Il a sollicité ses anciennes copines afin que son compte Tinder soit plus alléchant pour la gente féminine. Sa stratégie, demander à ses ex d'écrire une ou deux phrases à propos de leur relation avec lui, en plus de lui attribuer un nombre d'étoiles de 1 à 5 basé sur ses compétences en tant qu'amoureux. Le jeune homme a partagé son expérience sur Reddit comme il espérait. Ses ex ont tous répondu à sa requête pour le meilleur et pour le pire. Il a été chanceux, par exemple. Là, les filles, ils donnent ses indications. Il y en a qui le notent. Il y en a qui disent qu'il est vraiment incroyable. C'est un homme sérieux qui a des habiletés à la cuisine. Qu'est-ce qu'il dit? OK. En tout cas, c'est ça. Là. Il donne des commentaires sur chaque. Donc, sur son profil, Jake nous dit que c'est un ingénieur de Seattle. Il aime cuisiner, est en forme et adore passer du temps avec ceux qui l'aiment. Il raffole du pad thai et prévoit faire un saut en parachute cette année. Depuis qu'il a partagé son initiative, plusieurs autres hommes ont décidé de faire la même chose. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ben moi, je pense que c'est une bonne idée. C'est comme expérience après-vente. Hein? Les filles avec qui tu as sorti vont avoir un commentaire sur toi qui est beaucoup plus réel que toi-même quand tu dis que tu es bon au lit, puis que tu es bon, puis que tu es fin, puis que tu es beau, puis que tu te tiens en forme. Si c'est un ex qui dit ça, mais en même temps, moi, je me dis, si tu es vraiment extraordinaire, là, pourquoi tu es... Si l'ex te dit une critique dithyrambique que tu es trop hot, ben pourquoi que tu n'es plus avec? Hein? À moins que ce soit toi qui l'aies dompé. Mais dans ce cas-là, je pense pas que la fille aurait le goût de te vanter. Mais en tout cas, on s'en va tout de suite voir une charmante jeune femme ici. C'est Emma Watson qui encourage une fan à défier son père qui est trop sexiste. Donc, Emma Watson est ambassadrice de la campagne hashtag E4She, d'ONU, donc femme, qui a pris le temps d'éclairer quelques admiratrices qui ne savent pas quelles mesures prendre contre des inégalités subies par les femmes. Donc, la jeune actrice de 24 ans, dont le discours à saveur féministe aux Nations Unies en septembre dernier a touché le monde entier, a répondu aux questions d'une jeune femme sur Twitter. Un échange qui a particulièrement attiré l'attention de la toile. Donc, Emma Watson, mon père dit que je ne peux pas devenir une ingénieure parce que c'est une profession pour les hommes. Qu'est-ce que je peux faire pour changer cela? Emma Watson lui a simplement répondu de devenir une ingénieure. Le débat lancé sur Twitter quant à l'emploi typiquement masculin rappelle les tragiques événements survenus il y a 25 ans à l'école polytechnique. Ben, tant mieux, une jeune femme bien brillante, bien jolie, elle a tout pour elle. Il y a Pierce Brosnan, c'est Brosnan, c'est pas Brosnan. Pierce Brosnan qui est de retour dans la peau de l'agent 007 pour le Super Bowl, ou presque, ou en tout cas pour une pub de voiture. Pour le Super Bowl, Kia propose à Pierce Brosnan de prendre le rôle du célèbre agent secret le temps d'une pub. Du moins, c'est ce qu'il pense. Alors que Brosnan s'attend à un scénario rempli d'action et d'explosion, Kia semble avoir d'autres idées derrière la tête. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt le côté très sécuritaire. Et on va écouter un petit bout de pub. Don't tell me. Action adventure. Sort of. All right. Picture this. We open. Lui, il veut de l'action, hein, puis de l'aventure, tandis qu'il propose plutôt une balade sécuritaire. Lui, il se voit vraiment. Oh, hein. Il se voit vraiment en train de tout faire et puis de faire un film d'action. Mais le gars de chez Kia lui dit non, ça serait plutôt relax. Et là, il dit je vais croiser un tank. Non, tu croiserais plutôt un orignal à un moment donné. Il dit, il dit, c'est pas vraiment une mission secrète, non. En tout cas, c'est vraiment très, très drôle. Et tout ça pour arriver dans un superbe chalet. On s'ennuie. C'est génial. Donc, il dit, je vais arriver au chalet, puis là, le chalet explose. Il dit, non, il y a juste un chalet. Puis il va avoir des feux d'artifice. Puis là, tu vois une superbe femme qui sort du chalet. Ça fait une vraie belle pub. Surtout que moi, ben, je suis vendu totalement à l'univers de James Bond. Et puis, j'aimais bien Pierce Brosnan comme James Bond. Il était beaucoup meilleur que le dernier, là, M. Craig. Et j'y enlève rien. C'est juste que je trouve qu'il n'y a pas la prestance d'un James Bond. C'est plutôt un gars musclé et plus petit. Et je trouve pas qu'il fit. Il fait pas le physique de James Bond. Mais bon, c'est un autre dossier. Autre dossier ici pour 29 ans, un jeune homme, 29 ans, toujours puceau. Il tente, malgré lui, c'est lui qui a décidé, il tente de vendre sa virginité pour 850 euros, mais ne reçoit aucune offre. Ben, je peux comprendre. Bien qu'il avoue ne pas être dans la même ligne que Brad Pitt, le puceau de 29 ans se dit toutefois surpris de n'avoir reçu aucune offre. C'est un Roumain qui a montré à quel point il était malchanceux en amour après avoir tenté sans succès de vendre sa virginité pour la somme de 850 euros. Écoute, même si tu la donnais gratuitement, il y a peut-être plein de... Ça veut pas dire que personne la veut, man. Se décrivant comme un athlète... se décrivant comme athlétique, musclé et ayant les cheveux foncés, Seb Chirici a été subjugué en constatant le peu d'intérêt suscité par son annonce qu'il a placée dans un journal de Brasov, relate le Daily Mail. Il a placé l'annonce dans l'espoir de se faire un peu d'argent pour rembourser les dettes qu'il a accumulées depuis qu'il est sans emploi et qu'il doit s'occuper de son frère qui est diabétique. Donc, l'homme de 29 ans n'a toutefois reçu aucune offre. Bien qu'il avoue lui-même ne pas être dans la même lignée que Brad Pitt, le puceau de 29 ans se dit toutefois surpris de n'avoir reçu aucune offre. « Je ne comprends pas. Je suis un bel homme. J'ai un beau physique. J'ai même pensé qu'on m'offrirait plus que 850 euros. » Ayant travaillé toute sa vie sur la ferme familiale, l'homme, affirme avoir un corps bien sculpté. Il est d'ailleurs persuadé que quelqu'un aurait voulu en profiter. Ben, peut-être qu'il aurait fallu que tu poses en bobette, man, parce que t'es habillé comme un clown. Non, mais tu sais, t'es pas habillé à ton meilleur, me semble. L'homme a l'impression d'avoir été rejeté par tout le monde sur la planète. Ce n'est pas très bon pour l'estime de soi, assure-t-il. Mais c'est toi qui as essayé de te vendre, man. Personne t'a dit que tu devrais te vendre. C'est pas nécessairement une bonne idée. S'il n'a pas spécifié si l'offre s'adressait aux hommes et aux femmes, l'homme a toutefois jugé important de préciser que le transport n'était pas inclus dans le prix. Je pense qu'il se surestime un petit peu, petit Joe Labine, hein. Et ici, victime d'un canular téléphonique par un Soulon, le premier ministre britannique est vite devenu la risée des médias sociaux. Alors qu'il croyait avoir affaire au directeur de l'agence de surveillance électronique, le GCHQ, le premier ministre britannique David Cameron s'est rapidement aperçu qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Mais il était trop tard. Le faux pas qui est survenu dimanche alors qu'il se baladait en famille a été relayé très rapidement sur les réseaux sociaux. Un homme, de surcroît alcoolisé et sous l'emprise de drogue, a réussi à rejoindre la ligne personnelle du premier ministre en se faisant passer pour le directeur de l'agence de surveillance électronique. Ce n'est pas la première fois que la Grande-Bretagne est victime d'un canular. La reine Elisabeth II avait été piégée par Pierre Brassard, qui s'était présenté comme étant le premier ministre Jean Chrétien. Et là, on vous propose les 8 canulars téléphoniques dont celui de la reine Elisabeth II a écouté et à réécouter pour le plaisir de vos oreilles. La plupart sont faits par les justiciers masqués, c'est bien ça leur nom. En tout cas, allez voir ça. Les liens sont tous via la page Facebook du Dîner de con. Tout est disponible là. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le Dîner de con de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cestfou.ca.